Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue pour ce 43e épisode du podcast du collectionneur. Après 253 années d'absence, nous voici de retour. Ou 4 semaines, non ? 3 semaines ? Comme ça ? Ah, je sais pas, moi j'ai arrondi à peu près. J'ai vieilli 10 ans depuis la dernière émission. C'était arrondi avec une virgule flottante, c'est pour ça. Et bon, en fait, bah, ce soir, on va vous proposer un super podcast estival plein de sable dans les chaussures, comme on adore. Et de sueur. Et de sueur, surtout. Hydratez-vous, les gens, et venez passer un bon temps avec nous. On va parler ce soir de la Famicom et de la SG-1000, ou comment les deux consoles naquirent au Japon il y a de ça quelques années, puisqu'on a fêté leur anniversaire il n'y a pas si longtemps. Et surtout, mais le même jour et la même année. C'est ça. Mais avant tout, on va faire le tour de quelques petites news. Parce qu'on a des news. Et ouais, ouais. Alors déjà, on va commencer par féliciter une dame du jeu vidéo français. Yep. Ah bah oui. On peut commencer par ça. Ah, c'est important. Alors, c'est monsieur Bozic. Très important. Ah, mais c'est à moi, ouais. Pardon. Ah oui, oui, ah, oui, complètement. Le bonjour les enfants. C'est comme ça, c'est comme ça. J'avais oublié que j'étais là. Ah bon. Il nous écoutait, en fait, il était en mode spectateur. C'est ça, c'est... En fait, Boss Dick, c'est notre Abraham Simpson à nous, en fait. J'ai oublié que j'étais là. Voilà, c'est ça. Donc, le 14 juillet, effectivement, on a récompensé Muriel Tramis, la première créatrice de jeux vidéo. On l'a récompensée de la Légion d'honneur. Il était temps, parce que depuis le nombre d'années qu'elle a, cette brave dame... Et en plus, c'est rigolo, on avait parlé de Cocktail Vision il y a quelques temps, eh oui, et on avait parlé de Goblins. Ouais, notamment. Ouais. Et on avait parlé aussi de ces jeux, ouais, de ces petits jeux coquins, genre Geisha. Ouais. Emmanuel, oui, aussi. Oui, eh oui. Bah oui, c'est elle qui a écrit tout ça. C'est elle qui, sans déconner. C'est elle qui a écrit tout ça. D'accord, et voilà, super. Et donc... elle est aussi connue pour son travail sur les jeux éducatifs Adibou. Ah bah, Adibou, ouais. Ouais. Totalement. Les jeux donc... qu'on retrouve tous les... dimanche matin dans les foires à tout, hein, quand même. Oui, mais qui ont fait rêver des millions d'enfants et fait rager aussi, parce que c'est Adibou, quoi. Oui. Alors c'est plutôt une bonne nouvelle. Bon, le fait qu'une femme en soit la Légion d'honneur, on va dire que c'est déjà bien, mais c'est surtout le signe, encore une fois, que le jeu vidéo continue à être reconnu en tant que autre chose qu'un média de loisirs de masse servant juste à générer du pognon, mais comme une forme d'art, ce que quand même certains se battent pour reconnaître aujourd'hui. Je crois que d'ailleurs c'est que la deuxième, hein, la première personne à l'avoir reçue, c'est David Cage. Oui, David Cage. Ouais, non, Cage. Il avait eu avant, il n'y avait pas eu Réna. Alors en français. Alors après, il y a eu Michel Ancel et sans doute Réna. C'est pas les arts et lettres. Si, voilà, ils ont été élus chevaliers des arts et lettres. Voilà, c'est chevalier. Ouais, c'est pas la même chose. Légion d'honneur, c'est voilà, il y en a que deux dans le jeu vidéo. David Cage et Muriel Tramis. Ok, t'as sans doute raison. J'étais persuadé du contraire. Donc bah, c'est très bien pour elle. Et on ah ouais, effectivement, Rénal est un signe chevalier de l'ordre des arts et des lettres. Ouais. Ouais. Ce qui est bien aussi. Hein. Je ah, pense oui, que oui, ça ne doit pas faire mal sur le CV. Ouais. Très bien. Donc, merci à vous, Meryl Tramis, de nous avoir fait rêver, surtout moi. Surtout toi, d'accord. Surtout moi. Et pas sur les jeux Adibou, alors. Non, à mon avis, c'était sur Emmanuel, sur Amiga. On peut passer aux autres news si vous voulez. C'est toi qui. Voilà. Hein. Allez, passons. Vous n'avez rien entendu. Des nouvelles rapido de nos amis de chez SNK. Qui, pardon. J'ai envie de dire, comme c'était attendu, on ne savait pas trop, mais bon, on s'en doutait, la Neo Geo Mini fonctionne extrêmement bien au Japon. Ouais. Vrai. Ce qui en soi n'est pas franchement très, très surprenant. Hein. Non. Je pense qu'il avait bien marketé que c'est le pays de prédilection de la Neo Geo. Reste quand même l'archipel japonais. C'est le seul qui a eu le moyen de se l'acheter. Oh, elle est qu'à une centaine d'euros. Ouais, c'est pas excessif non plus. Une centaine d'euros. Je parlais de la Neo Geo d'origine. Neo Geo Mini, donc je rappelle qu'il sort bientôt chez nous, qui va coûter donc une centaine d'euros, comme tu l'as dit, Boss Dick, sans les manettes additionnelles sans câble HDMI. C'est ça. Et voilà, le câble USB qu'on te donne, c'est un câble USB de base, t'as pas Il n'y a pas la prise. Le truc pour charger sur la prise, voilà. Ouais, tu n'as pas la prise. Bah, comme avec la NES Mini et la SNES Mini. Ouais, mais tu avais au moins les manettes. Ah oui, c'est pas faux. Tu avais au moins les manettes. Donc. Voilà, disons que voilà, là, on considère qu'on peut, on peut y jouer en toute autonomie, donc pas de câble. Mais là, tu as l'écran. Voilà. Donc, tu avais l'écran avec ta SNES Mini ? Non. Donc, voilà, Mais mine de rien. Un écran de 3 pouces et demi, hein, c'est je voilà. Du coup, il y a une manette aussi, au final. Bah, il y a le stick quoi de la borne, enfin il y a la... Ouais. Ouais, t'as le stick de la borne qui se permet pas de jouer quoi. Ce qui est quelque part aussi agréable de jouer qu'avec les boutons métalliques, tu sais, sur les Game & Watch que tu es obligé de mettre un stylo pour régler l'heure en fait. Ouais, ou du papier de verre. Ouais, voilà. Voilà, c'est très bon. Et aussi un truc tout bête, sur eBay, j'ai vu des annonces passer. Oui. Ils te vendent des Neo Geo Mini à $200. Mmh. Moi, j'en ai vu passer au double de ça. Hein. Intéressant. $200, mais juste parce que tu as quelque chose, tu as une petite boîte en métal avec. Ah, je peux faire ça. Ah, puis ça doit être la version japonaise, et du coup, pour les Américains. Donc, que les gens fassent attention, qu'ils ne se laissent pas berner, quoi, parce que $200, c'est. C'est déjà que $100, voilà. 100 euros pour ce que c'est, voilà. Ça fait mal. $200, c'est du vol. Pour être méchant, je dirais que c'est un peu la preuve que dans ce marché, tu peux proposer de la merde à un prix fou, les gens l'achèteraient. Mais comme je reviens de vacances, je suis censé être de bonne humeur, je ne le dirais pas. Bah, le problème, c'est que ça reste de la Neo Geo, donc même si le produit est merdique, l'appel de la marque, il sera toujours aussi fort. Ça reste SNK, ça reste un Neo Geo. C'est un produit d'appel très très fort. Et je suis d'accord avec toi. Juste dit en passant, vous n'allez pas, enfin, pour les habitués de l'import, le site Ninin Game a la Neo Geo Mini en stock à l'heure actuelle. Oui. Et elle ne coûtera pas. Ils vendent la Neo Geo Mini de base 102 euros, je vois, hors frais de port. Ils font un pack avec deux manettes pour 190 euros. Pio, Seigneur, pardon. On n'est pas. Les prix sont raisonnables par rapport. Voilà, les prix sont tout à fait normaux. Hein. Ouais. Enfin, c'est. Voilà. Ouais, ça va là, franchement. Oui, non, mais c'est pas question d'in-game, c'est question du prix de base, le prix en général. Quoi. Ouais. 180 euros pour une Neo Geo Mini de manette, ça fait cher pour de l'émulation. Parce que ça reste de l'émulation. Ah, t'as un pack à 188 balles, j'ai pas vu ce qu'il y a dedans. C'est avec les manettes, oui, c'est avec les manettes. Et parlant de Mini, soit dit en passant, pour ceux qui souhaiteraient l'acquérir, la Famicom Mini édition limitée Wiki Shonen Jump est disponible également sur le site Ninin Game pour un tarif 210 euros que je laisse à chacun. Par contre, elle s'est super bien vendue au Japon. Là, qui s'est également très, très bien vendue. Très, très bien vendue. Enfin, là, par contre, ces cartons rouges, là. c'est surtout pour une console où il n'y a que le packaging qui change et des ROM avec des jeux dont les trois quarts des gens ne joueront jamais. La console, c'est une Famicom, quoi. C'est... Et en parlant de toujours système Mini, la NES Mini, paraît-il qu'elle est revenue un peu en stock, un peu partout. Par contre, des Super NES Mini dans mes vacances. À chaque magasin qui vendait des jeux vidéo, j'en voyais. Je sais pas si. Les prix baissent. Hein. J'en ai vu à 60 euros. Hein. Que ce soit les NES ou les Super NES. NES et Super NES Mini sont disponibles partout. Les Leclerc, notamment, en ont des dizaines. Oui. Parce que j'ai commencé déjà, étant vigilant comme d'habitude, j'ai recommencé à avoir des annonces sur le Bon Coin de gens qui essaient de vous vendre des NES Mini au double de leur tarif. Ouais, non, mais là, en mode, je l'ai trouvé dans un magasin, j'ai eu de la chance, il n'y en a nulle part. Là, ils ont refait les stocks à fond. Il y a aucun problème pour en trouver nulle part. Si chez moi on en trouve, en Aveyron, je garantis que vous allez en trouver n'importe où. Et dans la méga campagne, là où j'étais en vacances, crois-moi, s'il y en avait. Donc, ne vous faites pas. Par contre, c'était pas à 60 balles, c'était plus proche des 70. Enfin. Ben moi, j'en ai vu à 60. Ok. Mais les SNES Mini, pas les NES, hein, mais les SNES Mini. Ah, j'en ai eu à 60. Quoi. Okay. Si vous en voulez, effectivement. C'est un bon investissement. On parlait de SNK, il n'y a pas une compile qui doit sortir normalement aussi ? Il y a une compile spéciale 40 ans de la marque qui doit sortir, elle, par contre, axée sur les jeux d'arcade d'SNK, mais pré-période Neo Geo. Ne rêvez pas, vous n'allez pas avoir des jeux Neo Geo dedans. ils voulaient vendre à l'unité sur la virtuelle console de la Switch. Croyez pas que... Voilà. Mais par contre, on a une sélection de jeux de la première ère SNK qui peut être sympathique, qui va être vendu manifestement en Europe par Nippon Ichi, manifestement. Ouais, c'est Nice America qui s'en charge. C'est eux qui vont, voilà, qui vont le sortir. Bon, tu peux, ça, dire, tu peux dire les 13 titres, hein, au pire des cas, parce que je crois qu'on a déjà 13 titres qui ont été dévoilés. Donc moi, je vois quoi ? J'ai Alpha Mission, Athena, Crystalis, les 3 Ikari Warriors, oui. Guerrilla War, Poe, Prehistoric Isle in 1930, Psycho Soldier, Street Smart, TNK 3 et Vanguard. Effectivement, la majorité des jeux, c'est même pas des jeux qui sont gros jeux sur Neo Geo, c'est plus des jeux d'arcade. Oui, c'est très arcade. Mais de toute façon. Oui, après, la Neo Geo est une console arcade, bah, oui. Bien évidemment. Non, mais enfin, c'est quasiment que des titres obscurs, en fait. C'est pas des titres extrêmement connus, on est vraiment. Ouais. Bah, à part Ikari Warrior, quand même. Et encore Ikari, je sais pas. Il y a Alpha Mission. Je garde aussi sa petite réputation. Mais voilà, ouais, c'est ça. De toute façon, Ikari Warriors, messieurs, c'est pas un titre Neo Geo. Hein. Non, mais là, il se passe par rapport à l'arcade. C'est ce que je dis, sur la compile, il n'y a aucun titre Neo Geo. C'est vraiment la période pré-Neo Geo. Voilà, c'est surtout la période arcade, en fait. C'est ça. Ben, l'arcade, enfin, Neo Geo, c'est l'arcade aussi. Bah, alors après, pour le coup. Oui, mais pas console. Les années 80. Pour une chose, attention à Ikari Warriors, la version arcade avait deux joysticks rotatifs, il me semble. Bah oui, mais on en avait déjà parlé. On l'avait fait dans un précédent podcast. Comment ça va ? Tu vas adapter ça ? Je sais pas. À voir. Ça risque d'être assez bordélique. Par contre, on n'a pas de prix. Non, on n'a pas de prix. On n'a pas trop de. Bon. Ça va arriver. Vous en faites pas. C'est sur Switch, donc vous allez payer plus cher qu'ailleurs. N'ayez pas peur. Malheureusement, oui. Et toujours pour continuer dans les remakes, parce que c'est pas que c'est la mode, mais voilà. Un remake qui va faire plaisir à Monsieur Chou sur la Switch. Oui. Alors, petite question. Qui a commandé ? Moi non, parce que je suis pas là, je suis pas la cible. À la frame. Oui, toi oui, mais je sais, dès qu'on a parlé de la news tout de suite. Ah ! Moi, en fait, on voulait parler de la news. Donc, ok, bon, on va le faire dans l'ordre. Donc, le fameux projet de remake de Toki fait par Philippe Dessoli avait été mis dans les cartons depuis l'époque Xbox 360, il me semble. Ouais, ça fait longtemps. Un problème pour la compagnie qui avait commandé le remake a fait faillite et il n'arrivait pas. À trouver qui avait les droits du truc, il me semble. C'est une histoire dans ce goût-là. Pour l'avoir rencontré lors d'une séance de dédicace, je lui ai posé la question. Enfin, c'est surtout, je pense qu'il avait dû répéter l'histoire une bonne quinzaine de fois le jour-là. Donc là, apparemment, ça ressort. C'est nos amis, on en a parlé en plus il n'y a pas longtemps aussi, de Microids édite le jeu. Donc ça va sortir sur Switch. Après, on se dit pourquoi sur Switch, bah, étant donné que c'est la console actuellement qui vend un peu de tout et de n'importe quoi, je pense que c'est pas idiot. Et il me semble que j'ai payé ça une cinquantaine d'euros. Donc il y a le jeu en version cartouche, des lithographies, bon ça je m'en fous. Il y a une BD qui est dessinée par Philippe Dessoli. Ça m'intéresse. De toute façon, c'est tout lui, le design, c'est tout lui, là. Oui, la jaquette, c'est tout lui. Et il a pris les petits dessins sur le petit bar top en bois, là. Il parle de bornes d'arcade en bois pour Nintendo Switch. Bon, on va pas falloir s'attendre à un truc fou, quoi. À 50 euros, ouais, je pense pas. Voilà. Mais en fait, en réalité, c'est juste un petit reposoir en forme de borne d'arcade. Poser l'écran Switch et c'est génial parce que, avec une petite manette d'arcade, ça te fait vraiment une petite borne, en fait. Bien sûr. Mais pour le coup, en fait, ces trucs-là, façon mini bar top, machin, oui. Ça fait des semaines. J'ai payé 49 euros tout pile sur Amazon. Ouais, on peut le préco. Sur Amazon, il a 49 d'ensemble. Ouais, c'est 49. Et de toute façon, si vous avez le Prime et si vous précommandez sur Amazon, on vous retire toujours 2 euros, en fait. C'est ça. Et des fois, quand les prix baissent. Ça marche jusqu'à fin juillet, je crois, par contre. Hein. Je sais pas. Enfin, moi, j'ai pris quoi la frame, hein. Ouais, donc toi tu seras. Ouais, et pour le coup, les 2 euros de ristourne sur Prime, effectivement, ça s'arrête fin juillet. Ah, ok, d'accord. Par contre, vous avez toujours un abonnement gratuit Twitch que vous pouvez claquer sur ma chaîne. Voilà. Faux, pas charrier. Ça perd pas le nord. Ah, désolé, j'étais obligé. Et du coup, je disais, ces fameuses mini-bornes et tout machin, c'est devenu super populaire sur les internets. Et il me semble que personne pour l'instant les commercialisait. Alors pour le coup, bah voilà, ça peut être sympa. Il y a aussi des planches de stickers. Bon, après, on est friand ou pas de ce truc. De toute façon, j'ai pas vu s'il y avait une édition normale du jeu qui était commercialisée. C'est, je veux dire, pour ça que j'ai pris le... Je suppose que ça va être le cas. C'est pas trop... Bon, après, je pense que vous pouvez quand même y aller, je dirais presque les yeux fermés. Ça reste OK, ça reste un très bon jeu. Et vu comme le projet sur 360, selon les dires de M. Dessoli, c'était déjà bien avancé, voilà, je pense que... Bon, allez. Puis il faut aussi récompenser les créateurs de jeux français. Voilà, pas que en Légion d'honneur, hein, aussi en euros. C'est, voilà. C'est peut-être friand de... Il n'y a pas de ce genre de jeu, mais des jeux d'arcade et aussi Toki. Bah, d'ailleurs, c'est Dessoli qui a fait entièrement l'adaptation sur Amiga, il me semble, de Toki. Donc voilà, pour les nostalgiques de l'Amiga, allez, faites-vous plaisir. Pour ceux qui ne savent pas, dit quand même qu'il y a Monsieur Dessoli. Oui, Monsieur Mister. Ah oui, c'est le créateur de... entre autres le créateur de Mr. Nuts. Il a travaillé aussi sur plein d'autres jeux, dont... Ah, comment il s'appelle ? J'oublie à chaque fois le nom du jeu. C'est pas grave. Et un très bon graphiste. Un très très bon dessinateur. Oui, oui, il fait entre autres les artworks de... Goldorak. Ah, Goldorak, merci, Pen. Ouais. Ouais. Goldorak, Ulysse 31, beaucoup de choses comme ça. Voilà, entre autres, parce qu'il fait énormément de choses. Il fait beaucoup de choses. Et quelqu'un de très sympathique en plus, voilà. Donc du coup, Toki, 22 novembre, sur l'eShop. Ah, sur l'eShop et aussi en version cartouche, uniquement en version qui s'appelle Retrolector, voilà. Et donc, juste pour continuer sur récompensant les gens français qui font des jeux, tout ça, le fameux Monster Boy, donc jeu très largement inspiré de Wonder Boy qui va arriver, va être disponible en boîte aux États-Unis uniquement. Il n'y aura pas de version boîte en Europe. La version PS4, comme la version Switch, aura droit à une boîte avec des goodies dedans et seront 100% compatibles avec les consoles européennes sans souci. Par contre, on n'a toujours pas de date de sortie en vrai. Voilà. Il aurait dû sortir. Et depuis qu'on sait qu'il ne sort pas en juillet, et plus personne n'a de nouvelles sur une date de sortie éventuelle. Eh ben, il va sortir au mois d'août, comme tous les jeux indés de cette année. Voilà. Donc ça va arriver. Bon, j'encourage pas les gens à précommander quelque chose dont on n'a pas de date de sortie, mais voilà. T'as préco la version boîte alors ? Non, du tout. Oh. Ah non, moi je le prends des maths moins cher. Voilà. Ouais. Je vais pas payer 40 balles une version boîte plus des frais astronomiques. Non, c'est comme Runner, hein, ça. Je vais pas y attendre 3 semaines pour y jouer. Donc... Ouais. Bah oui, quand elles sortent qu'en version US, les versions boîtes, c'est chiant quoi. Ouais, voilà, Runner 3, c'était le cas, c'est sorti qu'en version US, c'est un peu compliqué de le trouver, donc bon. Oui, oui. Après, chacun, voilà, fait comme il veut, c'est juste que ça va arriver, que je sais pas si ça va être bien ou pas, mais en tout cas, on a beaucoup d'espoir dessus, et j'espère que ce sera bien. J'espère tous. Ah, moi, j'y crois, hein, celui-là, moi, je pense que ça sent bon, hein. C'est bon. Et parlant de compil et de rétro, juste un petit mot sur les deux compiles qui sont sortis cette semaine, Megaman X et Megaman X Collection 2. Donc, apparemment, d'après ce qu'on a vu, c'est plutôt du beau boulot. Hein, sur PS4. Sur PS4 ? Oui. Parce que sur Switch, apparemment, ralentissement, input lag... J'ai pas pu tester. J'attends encore mes versions à import. Mais voilà. D'accord. Bon, des retours que j'ai eus sur Switch, c'est pas ouf. Sur PS4, ça a l'air vraiment très bien fait. Ils ont notamment, parmi les choses qui ont été confirmées, on savait pas trop ce qui allait se passer. Donc Mega Man X3, c'est la version Super Nintendo qui est dans la compile. Ouais. Pas la version PS1 ni Saturn. D'accord. C'est bon à savoir. Mega Man X4, c'est la version PS1, mais ça, on s'en doutait que ce n'était pas la version Saturn. Et apparemment, le plus gros boulot a été fait surtout sur les versions X7 et X8 pour avoir un rendu qui est vraiment très très sympa, en fait. Bah, qui est propre, voilà. Les jeux sont dégueulasses, mais le rendu, il est propre. C'est ça. Et donc, vous avez toujours le grand choix cornélien de savoir est-ce que vous allez prendre que le premier ou les deux. Sachant qu'évidemment, personne ne prendra que la seconde compile. Prendre la seconde compile toute seule, enfin, n'importe quoi. Mais en fait, prendre, parce que, enfin, même la prendre tout court, hein, même en pack avec l'autre, je veux dire. Enfin, X5 et X6, ils sont sympas. Si vous aimez les jeux d'action et tout, ok, c'est cool. Mais X7 et X8, c'est vraiment n'importe quoi. Je comprends pas pourquoi ils ont scindé cette compile en deux. Hein. C'est... Bah en fait, même la première, hein, la compile Megaman bidule... Ouais, mais la première, elle a pas d'opus controversé, tu vois. Les Megaman, ouais. ils ont tous des fans, enfin voilà. Oui. Là, je suis pas sûr que les derniers ont des fans. Hein. Ouais, le 9 et le 10 bah, ils sont bien, le 9 et le 10. Ah bah, ils sont excellents. C'est des qui sont pas, qui sont le, pas le, bien. Le 10, c'est pas qu'il est pas bien, c'est un grand monde qui a kiffé le jeu, quoi. Le 9, ouais, parce que bon, il y a eu une mini hype autour du jeu. Et voilà, et encore le 9, il est d'une difficulté de chacal. J'ai pas fait, je sais pas. Je l'ai fait, j'ai jeté des manettes plusieurs fois dans les murs. Donc. Mais enfin, voilà. Ben, quand tu dis Megaman 9, il n'y a personne qui va faire des convulsions. Alors que quand tu dis Megaman 7, voilà. Je peux te dire. tu t'en rappelles encore. Bah ouais. On s'en rappelle tous. Voilà, bref. En tout cas, c'est sorti. Vraiment, version Switch, attendez un peu peut-être plus les retours, hein, si ça vous intéressait sur Switch, parce que moi, pour l'instant, ce que j'ai eu, c'était pas bon. Hein. Ouais. La version PS4, par contre, pas de soucis. Ouais. Il y a My Life in Gaming qui en a fait une vidéo. Ils avaient l'air très satisfaits. Alors, on peut déplorer alors, le problème de riche, hein, mais pas de version 4K. Alors que ça sort sur des supports maintenant qui sont censés la gérer. Bon, c'est dommage, mais c'est pas... Hein, problème catastrophique quoi. Ça permettrait un scaling sans bande noire en haut et en bas, ce serait vraiment bien. Pensez-y les développeurs, pensez-y à le tous futur, ces riches qui jouent à la NES sur un écran 4K. Enfin Super NES du coup en l'occurrence. Bon, en passant, on avait une petite news. De, alors voilà, on va encore parler de notre ami le cloud. Donc, on aurait un futur Netflix, entre guillemets, du rétro gaming qui s'appellerait Antstream, qui yes. devrait bientôt arriver. Mais en Angleterre, il me semble. Alors, c'est en Angleterre. Test en Angleterre. Ouais. Mais alors, ça va être présenté, je crois, en avant-première lors d'une expo cet été. Si j'avais lu ça, je ne sais plus où j'ai lu ça d'ailleurs. Enfin. Ils annoncent 1000 jeux. Ils annoncent 1000 jeux rétro. Des petits éditeurs sympas. Hein. Il y a du Bitmap Brothers, Gremlins, Epix. Voilà. Data East, ouais. Mais je suis sceptique sur ce truc. Enfin, on te propose de jouer à un émulateur en cloud gaming. C'est ça. C'est très bizarre. Là, je... Au moins, t'as pas besoin d'avoir la fibre. Hein. Bah, parce que la latence. À mon avis, pour jouer à Zool, Monty on the Run ou Speedball, t'as pas besoin d'une connexion folle. Hein. Mais je pense. Mais il y a toujours le problème de ping. Ça, c'est après, oui. Ouais. Ça, je suis d'accord. Donc voilà. Mais par contre, non, je veux dire. Enfin, bon, alors l'offre est légale, du coup. Ouais. J'ai du mal à percevoir l'intérêt quand même, quoi. Parce que l'intérêt du cloud gaming, c'est que quoi, tu veux faire tourner, je sais pas moi, The Witcher 3 en 4K 60 fps, tu le fais pas tourner sur ta machine, hop, cloud gaming, tu vois, c'est censé être ça l'intérêt du cloud gaming. Mais là, alors moi par contre, ce qui me fait vraiment peur, c'est la présentation. Là actuellement, je suis en train de regarder un speech officiel de la compagnie. Ça sent pas la gagne, hein. On dirait un vulgaire PowerPoint. Après, pour le coup, si ton concept est bon, plus que d'un PowerPoint, mais bon. La question, c'est savoir à qui ça s'adresse. Hein. Si ça s'adresse aux gens qui ont Netflix sur leur télé, que les télés de demain, elles auront une connectivité facilitée avec une manette sans fil, tu prends ta manette, tu allumes ta télé. Et pouf, tu joues, t'as les gens qui ont envie de faire une petite dose de « Ah, petit souvenir, on joue à la chaîne rétro, c'est rigolo, tout ça. » Qui n'ont pas envie d'essayer de comprendre comment fonctionne un émulateur, ni même de brancher une manette sur leur PC, enfin tout ça. Quoi. Oui, il y a des gens... Pourquoi pas, c'est vrai. Il faut voir le prix. Ouais. C'est une bonne idée, mais moi, c'est même pas une question de prix. C'est, je pense qu'il faut d'abord voir qui est dedans, qui va vouloir investir derrière dans le projet. Parce alors déjà c'est sûr, hein, vous aurez jamais du Nintendo, vous aurez sans doute jamais du Sony, je pense. Du Sega non plus, tu peux oublier. Ouais, Sega c'est pareil, ouais, je pense. Voilà. Ouais, Sega je sais pas, ils font des trucs bizarres des fois, Sega, tu sais. Il faut oublier Rare aussi, parce que maintenant c'est raté racheté par Microsoft. Chez Microsoft, ils sont assez ouverts sur ce genre de conneries. Hein. Attention. Ouais, enfin. Bah, tout dépend de ce qu'ils peuvent récupérer comme argent. Si c'est des jeux qu'eux, ils peuvent mettre de leur côté sans passer par des tiers, ils n'iront pas là-bas, quoi. Moi, ce que j'attends de voir, c'est qui va investir là-dedans. Plus que le prix, parce qu'à mon avis, le prix, tu vas pas pouvoir faire payer 30 euros par mois pour un machin comme ça, c'est impossible. Ça va tourner quoi? Entre 5, 7 et 9 grand maximum. À mon avis, ils vont vouloir essayer de se caler sur Netflix. Et après, ou alors ils vont voir les retours et ça va s'arrêter. Ouais, voilà, voilà. C'est mais bon, au moins, ils ont le mérite de le faire, quoi. Ils tentent. Oui, non. Ils ont l'idée. Je pense honnêtement qu'il était temps. J'en ai beaucoup parlé que c'était un peu le truc à faire dans le domaine du rétro gaming. Bon. Après, bon, il y a toujours des choses auxquelles on se heurte. Et là, pour le coup, que le projet démarre en Angleterre, non, je trouve pas ça débile. C'était quand même l'un des pays qui était le plus actif au niveau des développements à l'époque des Amiga, même encore avant, hein, à l'époque des Commodore 64, Spectrum et tout. Il y a énormément de jeux à découvrir. Donc, pour le coup, il y a énormément de jeux qui n'étaient pas monétisés, qui n'étaient pas ressortis dans différentes compiles et tout machin. À voir. Je pense qu'il va falloir que quelqu'un mette du pognon là-dedans pour. On verra bien. Donc, je pense qu'on a fini pour les news. Je veux juste en rajouter. On a encore des trucs. Encore. T'as mis un lien sur Mopiti Island, je sais pas quoi. Ah oui, le remake de Mopiti Island. Il y a un site internet qui s'est ouvert et on va peut-être enfin voir le remake arriver. Ok. Et il me semble qu'il y a une campagne Kickstarter qui devrait pas tarder à débuter, ou elle a peut-être déjà débuté. Et c'est ça, oui. En fait, il y a juste le site internet qui est arrivé et il y a une campagne de financement qui est en approche. Ok. Donc, pour tous ceux qui connaissent Mopiti Island et qui voudraient y rejouer, vous allez peut-être pouvoir y jouer en VR. Et en parlant de Island, à la base, je pensais que c'était un truc bizarre, Monkey Island, tu vois. Et qu'est-ce qui est sorti apparemment ces derniers jours? Un fan game non officiel qui est un prologue à Return of Day of the Tentacle. Ouais. Voilà. Un fan game, c'est déjà dispo ce fan game. Alors après, je sais pas ce qu'il y a dedans. J'ai pas encore pris le temps de le tester. Par contre, je ne sais pas non plus sur quoi c'est dispo. J'ai lu des retours enthousiastes, mais j'en sais pas. Dispo macOS, Linux, Windows version 32 et 64 bits. Ouais. Windows 32 bits, tiens. Ouais. Et les versions 1.02 ont été mises à jour aujourd'hui. Voilà. On est pile dans l'actu. Donc je voulais moi rapidement faire un petit shoot-out. Il vous reste 5 jours, je vais vérifier que c'est bien 5 et pas moins, sinon il reste 5 jours aux gens pour kickstarter le Compendium Master System qui sort chez Bitmap Books. C'est juste pour dire qu'on est à un cheveu des 100 000 livres qui permettraient d'avoir juste la Steve Case en français assistante. Tu sais plus comment ça s'appelle en français, merci. La Steve Case. Donc le fourreau. Merci. Le fourreau. Qui permettrait d'avoir le fourreau. Voilà, personnellement, je suis assez enthousiaste parce que bon, ça va être ce coup-ci, c'est le premier de leurs livres qui va avoir une licence officielle. Ça s'annonce plutôt pas mal. Ils ont annoncé récemment la participation de pas mal de personnes qui tiennent des gros sites internet au monde sur la Master System, dont notre ami Omar Cornu, qui va participer. En fait, tu dis qu'il fallait 100 000, c'est ça? Oui. 100 000 quoi, livres ou euros? Livres. Ah, livres, ok, parce que... On y est presque, on est à 97 389 livres, on y est presque, voilà. Au début, les stretch goals étaient beaucoup plus hauts que ça, mais ils se sont rendus compte que la dynamique n'était pas fabuleuse. La dynamique n'était pas du niveau de celle qu'il y a eu pour le Compendium NES et Super NES, qui sont quand même des consoles beaucoup plus populaires aujourd'hui qu'un Master System. Après, quand tu vois les tiers du Kickstarter, 28 euros pour le livre en version couverture souple et 34 avec une couverture cartonnée. Oui. Enfin, c'est honnête, hein, faut être honnête, c'est pas la folie, quoi. Oui, c'est pas ultra excessif. Ouais, sachant qu'on parle aujourd'hui avec donc les goals qui ont été atteints de. On a un bouquin qui va faire dans les 350 pages au moins. Ouais, 350 ou 400 pages. Voilà, j'ai déjà quelques livres qui viennent de chez eux. Pff, la qualité, elle est monstrueuse. Ouais. Bon, je pense pas que c'est un très gros risque non plus. Voilà. Donc, si vous voulez commander, moi, j'ai commandé juste le bouquin version hardback pour avoir quand même la couverture pas souple, la couverture dure. J'en ai eu pour aussi une quarantaine d'euros. Avec les frais de port. Le mec qui précommande pas, par contre, il finance des trucs sur Kickstarter, quoi. C'est ouf. Par contre, sur le coup, ça, soyez un peu patient parce que. Février 2019, quoi. Là, ça ne sort qu'en février, puisque la phase de validation auprès de Sega, il prévoit qu'elle soit au moins aussi longue que la phase qui consiste à faire le livre. Et pour avoir déjà vu par le passé des phases d'approbation de Sega, notamment avec le bouquin Sonic qui est sorti chez Pixel Love, ça peut être long, ouais. Parce que Sega va regarder chaque virgule du livre. Voilà. Donc 100 000 livres, hein, c'est ça ? Voilà, on arrive aux 100 000. Si 180, vous pourrez toujours l'acheter après coup, mais si vous le précommandez maintenant, ça permettra d'avoir un bouquin de meilleure qualité au final. Et, voilà. Et on peut payer en manga ou pas ? Non, voilà, désolé, il faut que je la fasse. Je suis désolé. Okay. Payer en manga. Ouais. Je peux pas trop comprendre. Bah, c'est pas grave, ceux qui comprendront. Ah, sur coup, je balance le lien dans le chat. Ouais, sinon, voir. Vous pouvez trouver généralement ces bouquins aussi sur Amazon. Donc, pour le coup. Ah oui, livre manga. Ouais. Aucun lien fils unique, oui, bien sûr. C'est les Amazon. Mais tu as pas dit, mais il y avait les lunettes 3D avec. Ah, oui. Le bouquin est vendu avec une paire de lunettes 3D anaglyph parce que les pages concernant les jeux Master System 3D sont en 3D anaglyph. Excellent. Voilà. Ça, c'est cool. Ça, voilà. C'est vachement cool. Ça, c'est la petite feature, tu vois, c'est bien, ça fait plaisir. Ça, c'est vachement bien. Si c'est aussi bien foutu que le compendium Commodore 64, attendez-vous à des trucs stylés avec des marque-pages. Il y a un marque-page en forme de le visuel qu'il y avait sur les cartouches Master System où il y avait marqué titre jeu. Il y a des lanières aussi pour repérer les pages où vous en êtes. C'est eux qui ont fait, donc c'est le sixième compendium à sortir. Pardon, les compendiums précédents c'était Commodore 64, Amiga, ZX Spectrum, NES et Super NES. Voilà. Donc c'est des gens qui savent ce qu'ils font. C'est pas leur coup d'essai. Ouais. Alors après attention, c'est des très très beau bouquin. Après, parfois, d'un point de vue texte, c'est parfois un peu court, mais c'est vraiment pas désagréable. C'est vraiment des très bons livres. Voilà. Donc, je voulais juste parler de ça. Est-ce que quelqu'un a quelque chose d'autre à dire ? Vous avez envie de parler de quelque chose de particulier ? Non ? Non, malheureux. Moi, rien du tout. Donc, en voiture Simone. On va passer à notre sujet principal, qui est donc l'anniversaire, Happy Birthday to them, de la Famicom et de la Sega SG-1000. La genèse, le début de cette guerre sans fin. Parce qu'elle est finie, mais elle n'est pas finie. Tout le monde le sait. Non ? Elle ne sera jamais. Oui, c'était le choc des titans, hein, bien sûr. Ouais, pour deux consoles qu'on n'a jamais eues dans leur itération d'origine chez nous, effectivement. On est le 15 juillet 1983. Je m'apprête à avoir 3 ans. Chou, il aura une journée dans 3 jours. Voilà. Et déjà, au Japon, sort donc de son côté la Nintendo Famicom, contraction de Family Computer, blabla, tout le monde le sait. Et ce qu'on sait moins, parce que. On vient du Vietnam. Désolé. Et ce qu'on sait moins, le même jour, Sega sort une console de jeu appelée la SG-1000, pour abréviation de Sega Game 1000. Donc, outre le fait que les Japonais sont manifestement très friands d'abréviation, un petit mot pour dire la SG-1000, c'est quoi ? Ben, la SG-1000, c'est une console où Sega s'est dit, on va sortir une console de salon à cartouches interchangeables. Sauf que lorsque Sega sort sa console au Japon, ils ont plutôt en tête l'idée de concurrencer l'Atari 2600 ou des consoles comme l'Intellivision, la ColecoVision ou ce genre de choses. Enfin, après, pour préciser un peu, je pense que tu allais en parler, mais oui. Ces marques n'ont jamais réussi à s'implanter au Japon. Atari, je crois que c'est la 2600, elle est sortie sous le nom de 2500 là-bas, vendue à un prix de fou, avec une technologie dépassée quand elle a été distribuée là-bas. Et l'Intellivision, elle a été distribuée... Ah zut ! C'était aussi notre marque qui distribuait une console qui était déjà à la base distribuée par Mattel aux États-Unis dans le reste du monde. Et c'est pareil, eux là-bas, ils en ont vendu mais très très peu. Pourquoi ? Ben, le prix, en grande partie, et surtout des jeux qui leur parlaient pas. Parce que la télévision était très branchée surtout sur les jeux de sport. D'accord. Pour l'Américain surtout. Ouais. Et donc, Sega, à l'époque, s'est dit qu'il y avait bien un marché à couvrir, exactement comme Nintendo, sauf que, et c'est là que ce fut tragique, c'est que Sega a sorti une machine SG-1000 avec des capacités graphiques et sonores, disons-le, ridicules, face à ce que Nintendo a sorti avec la NES en face. Enfin, on connaît l'histoire, on sait donc Nintendo s'est associé à l'époque avec qui c'était le constructeur de, avec Rico, c'est ça, oui, pour sortir, pour faire une commande totalement farfelue de processeurs en leur disant on vous en commande un nombre farfelu, par contre on veut le payer ce tarif là pour arriver à avoir une console à la fois bon marché et à la fois quelque chose qui technologiquement montre vraiment qu'on est dans une nouvelle génération. Et en termes de graphisme, de scrolling, de son, de tout. Bah, c'est surtout qu'à la base, il voulait la vendre moins de 10 000 yens. C'est ça. Le prix d'origine de la Sega SG-1000, attends, je ne l'ai pas sous les yeux. Ah. Et je ne l'ai pas noté non plus. Ça, c'est une bonne question. Ah, le temps que tu cherchais ça, donc c'est Bandai qui distribuait la télévision au Japon. D'accord, ok. C'est ça. Donc, la SG-1000 sort pour 15 000 yens au Japon. Là où la NES en face... 14 800 yens, non ? Voilà. Enfin, on est dans le même ordre d'idée, dans la même gamme de prix, voire même un peu moins cher pour la NES, pour la Famicom, avec des capacités qui sont juste mais des années-lumière de ce qu'on propose à la pauvre SG-1000 de Sega. Pour vous en convaincre, la SG-1000 de Sega a connu une adaptation de Wonder Boy, par exemple. Ah oui. Il faut voir ce que ça donne pour se rendre compte à quel point c'est juste waouh. Ça pique un peu les yeux. En fait, on dirait que le jeu il a été développé sur Spectrum. Sans rire. Étant donné que le personnage, en fait, il n'a pas de contour, en fait. Ses yeux, en fait, ils sont transparents, il me semble, c'est ça. Ouais, c'est celui-là. Ah donc oui, en fait, on dirait en fait que la console, elle a peur en fait de générer du color clash ou une cochonnerie comme ça. Non mais c'est très bizarre quoi. Et le jeu, le scrolling, c'est juste la misère. L'avancée du scrolling, on a l'impression que ça se fait toc toc toc écran par qu'est-ce qui se passe. On est sur bon, c'était vraiment vraiment pas terrible. Pour la petite anecdote, truc que j'ai toujours entendu concernant cette Sega SG-1000, lorsque vous lui mettez une cartouche dedans. La console ressemble à une pierre tombale et apparemment c'était un de ses surnoms. Voilà. Ah bon ? J'avais fait gaffe à ça. D'accord. Ah oui, c'est curieux qui fout comme choix de design. Ah oui, punaise, ouais, effectivement. Ah ouais, carrément. Il y avait un seul bouton sur la manette, un joystick avec le fil qui sortait sur le côté. Enfin, on était dans un design très rudimentaire. Et surtout très loin de ce que Nintendo allait proposer. Donc la production de la SG-1000 a duré extrêmement longtemps, à savoir de juillet 83 à juillet 84. Putain la vache. Comme la Ouya. Comme la Ouya. Non mais ils ont pas fait un Kickstarter. Non, je crois que la Ouya elle a duré moins longtemps, non ? Si, je sais pas. Bref. Ouais, désolé. Je pense pas que la Ouya se soit autant vendue, parce que mine de rien, elle s'est quand même pas trop mal vendue. Hein. En toute honnêteté, enfin ici, ben moi, j'ai jamais vu une SG-1000 tourner. Je sais pas, toi, Chou, si tu as l'occasion non, de voir ça. Non, mais j'ai un pote qui en avait le modèle 2. Mmh. Et j'ai mis le 2, on en parlera après sans doute de ce modèle-là. Ouais. Et il avait un petit souci au niveau de du bouton power. Et au lieu de me la ramener, ou même de la revendre, parce que ça m'intéressait, il a été la revendre à un magasin à la con. Voilà. D'accord. Ah ouais, dommage. c'est la seule fois où j'ai entendu parler de quelqu'un qui possédait cette console. Malheureusement. Et ça vaut du blé, hein. Alors, les paradoxalement, les vieilles consoles Sega, oui, valent maintenant un petit peu de rond. Ouais, ouais. Tu peux démarrer entre 200 et 500, 600, 700 euros selon machine, selon quand elle a été produite. Enfin, Toi, Monsieur Pell, dans ton du Vietnam, est-ce que tu as vu une fois une SG-1000 tourner? Jamais. Voilà, c'est très mystérieux pour moi tout ça. Alors, je l'ai connu plus tard. Hein, c'est pas des trucs très très secrets. Je pense pas que ce soit aussi rare que ça, mais moi, j'en ai jamais. Par contre, le pad SG-1000 qui ressemble à un pad de Master System blanc mais avec deux boutons, j'en ai vu tourner un il n'y a pas longtemps sur le bon coin par chez moi. Ouais. Mais il était fucking destroy. Je sais pas exactement ce qui s'était passé. Mais... Et donc, malgré tout, bon an, mal an, Nintendo ayant connu quelques petites erreurs au lancement de sa Famicom, en particulier des problèmes de fiabilité, Sega a quand même profité pour vendre suffisamment de machines pour pouvoir encore continuer à vivre et sortir une seconde itération de la machine l'année suivante, la SG-1002. C'est original. Alors, le retour. La SG-1002, ce qui est génial, c'est que c'est à peu près la même chose. Il y a eu autre chose avant, non ? Il n'y a pas eu la SC-3000, non ? Entre-temps, il y a eu le SC-3000, mais vu que c'était un ordinateur, c'était... Ouais, je pense pour le coup, c'était une bonne stratégie pour Sega. Oui. C'était aussi l'époque où on commençait à avoir les premiers ordinateurs personnels. Et pour le coup, en produisant les deux choses, donc SG-1000 et SC-3000, ils se sont dit, s'il y a l'un des deux qui marche, on abandonne l'un d'entre eux, mais en fait, il n'y en a aucun des deux qui a marché. Donc c'est la version ordinateur. Ouais. Oui, ça va, c'est la version ordinateurisée entre guillemets de la SG-1000 qui a les mêmes SG-1000 qui a les mêmes capacités qui voulait un ordinateur d'entrée de gamme. Par contre, j'ai pas regardé les prix de ça. Il me semble par contre c'est un peu plus acceptable. Ouais, c'est aux alentours de 250-300 balles. Ouais. Voilà, c'est 30 000 yens à l'époque. Il y a une version qui est cofabriquée avec Yeno. C'est ça. Il a existé une version Yeno et la SC-3000 est sortie sous la latitude. Ouais, j'en ai vu passer une sur eBay. On parlait tout à l'heure, c'est Omar Cornu qui nous en avait parlé la dernière fois, de la SC-3000. Ok, je m'en souviens plus. Et donc j'en viens donc, vous citez la SC-1002, Sega ressortira à peu près. Alors, le principe de Sega, c'est de se baser ses consoles sur le fameux Zilog Z80 de NEC. C'est-à-dire le processeur, en gros, qui n'équipe pas la Famicom parce qu'à l'époque, ils n'ont pas trouvé un terrain d'entente avec Nintendo concernant le prix des processeurs à mettre dans les machines. Puis surtout, un Zilog, ça reste un Zilog. Tu ne peux pas le modifier pour ajouter des nouvelles fonctions. Ce qui n'était pas le cas du processeur de la Famicom, qui à la base est un 6502 de MOS Technology, mais qui a été modifié pour rajouter je ne sais plus quels adressages un peu particuliers. Et d'ailleurs, c'est rigolo, le PROS de la SG-1000, il est censé être deux fois plus puissant que le processeur de la Famicom. D'accord. Mais pour le coup, je me suis posé la question si la vitesse du processeur, la vitesse d'horloge, si elle est bien la bonne, hein, dans ce que j'ai lu sur Wikipédia. Wow, il y a des cas de... Oui. Entre les deux machines, là, il y a seulement un an, en fait. Il y a seulement un an, c'est-à-dire, oui, ils ont arrêté très tôt la production de la SG-1000 pour céder la place à la SG-1002. Oui, mais justement, juste là, oui. Là-dessus, mais je trouve qu'ils ont une autre approche en représentant fait beaucoup moins jouer. Hein. C'est, tu vois, je trouve dans le design des consoles en elle-même. Mm-hmm. Je trouve que ouais, la première, la SGMI, faisait très jouer. La deuxième fait beaucoup plus. Quoi. C'est ouais, d'accord. Pas grand. Hein. Alors que la Famicom a un design très ludique hein, depuis oui. le début. Hein. Ça, c'est... Oui, oui. Avec, c'est Florent Gorge qui l'a raconté dans l'histoire de Nintendo, ce gros bouton rouge éjecte que Miyamoto s'est battu corps et âme pour conserver parce qu'il voulait absolument ce gros bouton rouge éjecte sur la version japonaise de la console. Il trouvait ça ludique, ce qui est complètement le cas. Oui, oui, totalement. Oui. Et donc oui, pour en venir à la Sega SG-1002, à l'époque, donc Sega, avec les moyens du bord, reprogramme certains classiques d'arcade sur un hardware, encore une fois, qui est lui aussi vraiment totalement dépassé. Et il se passera à peu près la même chose que pour la première SG-1000, c'est-à-dire que la production va durer à peine plus d'un an entre juillet 84 et octobre 85. Ah, oui. Ah, comme la N-Gage. Il faut que je change à chaque fois parce que sinon les gens ils vont se rendre compte que... Et sur le coup, en octobre 95, la Sega SG-1003 aka Mark III vient remplacer ce modèle là 95. Alors, tu as dit 85, j'ai dit 84, okay. Pardon, le 20 octobre 85, juste pardon. Pour la 1002, il faut juste indiquer que oui, c'est oui. Là où ils ont fait les premières cartes pour jouer. Parce oui. que c'était moins cher. Pour le on coup, va le retrouver plus tard. Pour le coup, tu as aussi plus un joystick façon Atari, un pad. Oui, et quand on commence à voir apparaître un pad. Toujours avec le par contre le cordon qui sort sur le côté, qui paraît toujours aussi farfelu. Mais dans les publicités de l'époque, on voyait les gens tenir le pad à la verticale, donc à la rigueur, ça s'explique. Et pour donner une idée, parce que enfin moi c'est ça que je trouve encore incroyable aujourd'hui. Il y a des gens qui râlent parce que il y a Nintendo ou Sony qui sortent des nouvelles itérations de consoles 3 ou 4 ans après leur sortie en mettant à jour un petit peu les choses. Là, imaginez, à l'époque, Sega sort une machine par an pendant 3 ans. Avec à chaque ouais, fois. Ça leur a été fatal, ça aussi, un peu. Fatal, oui et non, parce oui, qu'il y a eu un après Master System, donc ça veut dire que... Oui, voilà. Ça va. Je veux dire, la... Et donc, pour arriver sur la Sega SG-1000, la SG-1003, la Mark III, c'est enfin avec ce hardware-là que Sega va avoir les capacités techniques de proposer ce qu'ils ont toujours souhaité depuis le départ, des adaptations de titres d'arcade qui ne sont pas évidemment ce que sont les titres d'arcade, mais qui sont tout à fait valables. Quand on regarde, on se dit waouh, ouais, ça a l'air bien quoi. Et donc c'est pour ça qu'on entend souvent dire que la Master System a de meilleures capacités que la Famicom, que la NES. C'est vrai évidemment, mais en même temps la console est sortie 2 ans après et 2 ans à l'époque. Ouais, 2 ans et avec comment dire le bagage de ce qu'ils avaient accumulé avec les deux autres d'avant quoi. C'est ça. C'est-à-dire que la NES c'était entre guillemets le coup d'essai de Nintendo. Oui. C'est vrai que voilà la NES il leur a fallu un coup pour vraiment fonctionner là où Sega a tâtonné pendant 2 ans. Oui, bon, quand on partit, ils avaient bien réfléchi en amont pour faire leur console. Voilà. Ouais, non, mais c'est ça. C'est ça le truc. Hein. Deux philosophies différentes, deux approches différentes. Mm-hmm. Bah, y en a un qui est encore là en 2018, j'ai envie de dire. C'est ça. Non, mais en plus, la Famicom, je crois que c'est des 80 qui commencent déjà à penser le projet. Hein. Donc 3 ans pour que ça arrive à maturation, c'est quand même pas mal. Mais Sega était déjà le maître d'arcade, des arcades aujourd'hui. Par contre, ouais, en termes d'arcade, oui. En termes d'arcade, oui. Après, en termes de console de salon, je pense qu'ils ont, comme d'habitude... ils y sont allés comme ça. Tu reviens en 83, Sega, ils n'ont pas sorti lourd hein, en arcade. C'est oui, parce que c'est dans ces années-là, quand on va commencer à voir justement Sega exploser en arcade avec les jeux qui seront adaptés sur Master System et qui seront des arguments de vente de Master System, c'est-à-dire tout ce qui est Space Harrier, Outrun, Oui, oui. Et, ah, d'accord. C'est juste la moto, là. Engon. Ce que vous pouvez retrouver dans Yakuza 6. Totalement. Donc ouais, tout ça pour dire que juste une fois un petit parallèle hardware intéressant par rapport à ce qui va se passer un petit peu après avec la Super Nintendo face à la Mega Drive. La Famicom est équipée d'un processeur donc relativement modeste qui est cadencé à seulement 1,8, un peu moins 1 MHz, ce qui est une vitesse très lente, hein, même pour un processeur en 83. Et il s'appuie donc sur des coprocesseurs efficaces et sur, donc, comme tu as dit, Chou, la possibilité de rajouter dans les cartouches après de quoi aider, entre guillemets, la console. Ouais. Et la conception d'un Master System est radicalement différente puisqu'elle propose un processeur cadencé à 3,6 MHz. Donc, c'est énorme la différence. Ça veut dire que le processeur est quand même 4 fois plus rapide. Si je ne sais pas compter, c'est 2. C'est que 2 fois plus rapide. Non, je ne sais plus compter. Il me semble que c'est 2, mais on s'en fout. Non, c'est... Deux fois plus rapide, mais avec, en gros, mais tout est dans la console et le Z-Log est vraiment le chef d'orchestre, le maître d'œuvre de. Pas seulement, justement, c'est ça. C'est une image qui avait souvent été reprise pour la Super Nintendo, que le processeur central de la Super Nintendo est cadencé à une vitesse très lente par rapport à ce qu'il se faisait même sur la Mega Drive à l'époque. Et il sert de chef d'orchestre à toute une organisation autour. Là où les consoles Sega ont toujours été basées sur ces consoles-là, sur le principe d'un processeur puissant avec. Voilà, des petites tâches autour, mais c'est vraiment le processeur lui-même qui fait toute la puissance de la console. Et il n'y a pas d'hardware additionnel dans les cartouches, ça n'existe pas chez Sega. Je ne sais même pas s'il y avait la possibilité de le faire en vrai. Ben, quand tu vois que ça n'a pas été fait pour, mais pourtant sur Atari 2600, c'est faisable. Ouais. Ils l'ont pas fait pour Virtua Racing. C'est pour la Mega Drive avec Virtua Racing. Il n'y avait pas une histoire de truc de son FM ou je sais pas quoi, mais je dis peut-être des conneries. Hein. Alors, au Japon, lorsque la Famicom et la Master System sortent, ils sont conscients que les processeurs sonores sont vraiment pas terribles. Et d'un côté, la Famicom. Alors, la Famicom, est-ce qu'elle a je crois pas qu'elle a un module. C'est quoi l'histoire de la Famicom? Chou, tu vas peut-être pouvoir m'aider. Mais elle a un module micro sur lequel tu peux utiliser le canal son, en fait. Ouais. C'est ce que fait Sunsoft. Et c'est pas ça, la voix supplémentaire de la Famicom, elle est présente sur la Famicom de base ou faut forcément avoir le FDS sur des jeux comme Castlevania 3, par exemple Non, c'est dans la cartouche. Donc c'est dans la cartouche. C'est dans la cartouche Castlevania. Il me semble. Et Gimmick oui, aussi. Pour le coup, admettons, comment dire, Castlevania 3 est forcément en cartouche, il n'est pas sorti sur FDS. Oui, c'est vrai. Le module que tu mets dans la Famicom, en fait, il prend la place d'une cartouche. Ok. Mais c'est tu veux pas empiler, par exemple, le module du FDS et par au-dessus mettre Castlevania 3. Oui, par exemple, tu pourrais faire avec Sonic & Knuckles et puis voilà. Mais par exemple, Gimmick, il a ce son aussi, c'est dans la cartouche, hein, normalement. Ouais. Donc, c'est un jeu Sunsoft, donc eux, en termes de son et de grosse musique. Ah oui, ils étaient hors normes. Très tard, il est sorti très tard. Ouais. Donc, c'est ça, c'est le hardware de la NES qui permettait, dans les cartouches, donc de rajouter une voix supplémentaire pour donner des musiques de meilleure qualité. J'ai l'info. Alors, en fait. Ils ont dû changer une puce intégrée qui était appelée WRC6. Ils l'ont remplacée par une puce qu'on connaît, en tout cas les amateurs de cartouches NES, qui s'appelle le Memory Manager Controller, et c'est la version 5, donc le MMC5. Donc voilà. En fait, étant donné qu'ils avaient les consoles occidentales n'avaient pas la possibilité de supporter cette puce, ils l'ont remplacé par une autre, ce qui fait que le son est un peu différent. Okay. Ouais, en plus, mais les MC5, c'est les dernières cartouches en plus de la NES. Ouais, je sais pas par contre quand. Je crois que c'est les dernières ou avant-dernières, celles qui ont le plus de mémoire. De toute façon, tu as MMC 1, 3 et 5, il me semble pas. Tu as MMC tout court, 1 et 5, je crois, non? T'as le 2, le non. 3. Ah non, effectivement, attends. 5. MMC 5. Je supportais Castlevania 3. Plein de jeux qui sont pas sortis chez nous. Ça fait partie des dernières cartouches, en fait, qui sont... En fait, à part Castlevania 3, le plus puissante. Tous les autres ne sont pas sortis chez nous. Voilà. Je crois que c'est mémoire de 1 bit pour les MC5. Meilleur système de sauvegarde, meilleur graphisme. Et même ces 6 après, Star Tropic et compagnie. Ce système de puces ajoutées, en fin de vie d'une console, ça peut être vraiment très bénéfique. Hein, parce que tu prends, je parle de ce que je connais, mais tu prends un Mega Man 6, tu vois le truc, tu te dis, ah ouais, ça tourne sur NES, ça, c'est pas possible. Ou un Yoshi Island sur Super NES. Ouais, moi je voulais rester sur des exemples NES, quoi. Ouais, bien sûr. Tu t'es dit, mais waouh. Ça prouve qu'ils maîtrisent bien leur doigt. Tout ça pour dire donc que la Master System comportait un module son qui est connu de toute façon comme étant moins agréable, on va dire, que celui de la NES. Et pour pallier à ce problème-là au Japon, pour la Mark III, ils ont sorti un module FM qui se branchait sur un port sur un port de la console, qui permet donc de remplacer la puce sonore par une vraie puce FM avec une bien meilleure modulation des fréquences et des sonorités. Et la plupart des jeux Master System sortis après Mark III et Master System sortis après ce moment-là ont les versions FM intégrées, mais c'est-à-dire que les cartouches de base de Master System jouent le son sur le chipset FM si elles sont mises dans la console. Dis ton truc. Oui, je veux juste dire que les cartouches européennes fonctionne avec le module FM. Ça paraît fou comme ça, mais ça fonctionne parfaitement. Donc il y a actuellement, là, de nos jours, il y a DB Electronics qui ont sorti justement c'est une cartouche, en fait, que tu mets dans ta Mega Drive et par-dessus tu mets ta cartouche et comme ça tu peux jouer le son FM des jeux compatibles, quoi. Non, c'est cool. Ça coûte je sais plus combien de dollars. Un prix modique, Maryse. Non, c'est pas un prix modique parce que vu que comme d'hab, c'est des petits fabricants, machin, on produit une petite quantité, donc on ça la peau du cul. Enfin bref. Je sais plus combien ça coûte. $40, je pense, un truc comme ça. Oh, $40 encore, ça va. Mais c'est peut-être une connerie, c'est peut-être plus, c'est peut-être moins. Parce que je m'attendais vraiment à un prix beaucoup plus prohibitif. Hein. Ah non. J'ai réussi à retrouver mes sources. On disait tout à l'heure Sega, le maître de l'arcade quand la Famicom est sortie. En fait, l'année 76. Je crois que c'est en 76, ils ont vraiment commencé à faire quasiment que du jeu vidéo comparé à du flipper, que des titres très obscurs, notamment Blockade, qui est en fait un clone un peu modifié du jeu de serpent, du Schneck. T'as quoi d'autre après 1980, il y a Car Hunt, on dirait un jeu qui était programmé pour l'Atari 2600. Digger, je sais pas si quelqu'un connaît ici Digger. Oui, Digger, oui, mais là, c'est cool. Space Trek, Samurai, quelqu'un connaît Samurai ? Moi je connais Samurai Pizza Cat. Non, mais pour le coup, Samurai était vraiment. C'est l'un des premiers beat'em up. Beat'em up plutôt. Voilà. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Ils avaient sorti un clone aussi de Space Invader qui s'appelait Invico. Ah oui. Ou Space Attack, je ne sais pas si quelqu'un Invico, connaît ici. Invico comme les chips ? Quasiment, ouais. Et après, bon, bien sûr, il y a eu Zaxxon en 82, qui est l'un de leurs premiers gros jeux. Astron Belt, quelqu'un connaît ici ? Non. C'est l'un des premiers jeux à sortir sur Laserdisc. Alibaba et 40 voleurs. Sans rire, c'est un Pac-Man-like, entre guillemets, qui est coloré assez rigolo. Buck Rogers, Planet of Zoom, qui lui est un peu connu quand même, le jeu, et je me semble qu'il a été adapté sur plein de supports. Et j'avais quoi aussi, Ixion, ça vous dit rien? C'est un shoot? Non, c'est un dotted game, c'est un clone de Pac-Man entre guillemets. Ah, il y a quoi d'autre aussi, encore un autre jeu Laserdisc, Star Blazer, voilà. Bah, c'est pas les jeux qui sont avec les lunettes normalement. Non, et par contre il y a un jeu super original et que j'adore et j'ai beaucoup joué en émulation, qui est Pig Newton. Alors vous renseignerez, c'est en fait, vous êtes un cochon qui est habillé en avec juste un t-shirt rouge, et en fait, il va falloir faire tomber des pommes dans un arbre pour assommer les loups qui sont en bas. Ça reprend le concept en fait de la gravitation universelle d'Isaac Newton. Enfin bref, c'est assez débile comme jeu, mais c'est assez marrant. Et si vous voulez plein d'infos sur ça, dans le site leguideducollectionneur.fr, catégorie divers, vous avez tous les Sega Arcade Story. Donc vous avez Voilà. De quoi faire niveau documentation. Donc en fait, ils n'avaient pas sorti des trop gros jeux à part Zaxxon, en fait. Oui, qu'on n'est pas encore au moment où ça va exploser avec le système 16 ouais. En arcade. Voilà, désolé, c'était la petite aparté. Oui, pas de souci. Parce que tu vois des jeux même comme Fantasy Zone qui est de 86, Shinobi est de 87. Parce que tout ça, Fantasy Zone et Shinobi, c'est des jeux qui vont connaître un gros succès sur, par exemple, sur Master System à l'époque. Hein. Moi, je me souviens y avoir beaucoup joué. Et donc, oui, tout ça, petite parenthèse, Fury, tu l'as dit tout à l'heure. Wonder Boy 3, oui, c'est énorme. C'est-à-dire que le jeu n'est jamais sorti au Japon. Et pourtant, dans la cartouche de jeu européenne, il y a à la fois les musiques sans FM et le titre du jeu en japonais, ainsi que les moments de l'histoire du jeu traduits en japonais. Je peux dire juste une dernière petite chose. Oui. En fait, on a oublié un jeu qui était censé être la killer app en fait, de la SG-1000. C'est Congo Bongo, qui est sorti en 83. Oui, le fameux Congo Bongo, oui. Voilà. Bon, bah... que j'ai découvert un peu longtemps sur Atari 400. Désolé. C'était pas fantastique. Oui, mais bon, fallait quand même le mentionner. Et donc, pour ceux qui cherchent le module FM en Occident, nous n'y avons pas eu droit. Ni les Américains, tout simplement parce que lorsque Sega a décidé de recarrosser entre guillemets sa Mark III pour la nommer Master System et la sortir en Occident, ils ont jugé que le coût du module FM était trop important pour l'intégrer à la console. Alors que paradoxalement, Sega sortira la Master System au Japon peu après et intégrera le module FM dans la console. Voilà, merci les gars. On est passé à ça de l'avoir. Et on l'a pas eu. Et d'ailleurs, c'est ça qui est à l'époque, moi, ça m'épate. C'est-à-dire que lorsque Sega ou Nintendo décident de faire sortir leur console de l'archipel, ils se contentent pas de vendre les consoles à l'étranger. Ils redesignent entièrement leur console. Oui. Y compris même jusqu'à dans leur capacité technique pour la NES qui n'est pas totalement identique à la Famicom. Bah, non. Déjà, ils nous ont retiré le micro à partir de là. Ouais, mais du point de vue de performance, c'est les mêmes quand même. On peut plus brailler dans les oreilles des ennemis dans Zelda. Scandale. Bon. On n'a pas le port sur le côté pour brancher des manettes spéciales, mais nos manettes, elles peuvent se détacher sans démonter la console. Et on n'a pas le port aussi pour brancher le FDS, non ? En fait, c'est ça. Le FDS, il se branche comment ? T'as même pas besoin d'un port, en fait. Tu mets le champignon, ce que j'appelle le champignon, tu mets la cartouche dans la console, la console elle est reliée au FDS via le câble qui est sur la cartouche, mais t'as pas besoin de port extérieur. Hein. Ok. Il me semble, si je dis pas de bêtises, pourtant j'en ai un de FDS. Mais niveau hardware de la NES, il n'y avait pas des histoires même de fréquence de processeur qui n'est pas tout à fait la même en Occident qu'en... Oui, mais ben, ça c'est plus ou moins toujours le cas, non ? Question. Je suis tellement pas calé dans les fréquences de processeur que je ne saurais pas dire. Mais... Ah là, d'accord, le souci apparemment c'est entre... Oui, notre processeur il n'est pas cadencé de la même manière, effectivement, ouais, entre la Famicom et... Le processeur de la Famicom est cadencé à 1,78 MHz, non ? Et oui, et nous, on est en 1,77. Et nous, c'est pas, voilà, il y a des petites différences. Hop. C'est on pas énorme, à, mais... Nous, on est à 1,66, et les Américains sont à 1,66. Enfin bref, il y a des toutes petites différences de fréquence de processeur, même au niveau des processeurs secondaires de la console, qui font que, voilà, c'est des petite chose, mais que... Mais sur le résultat des jeux, ça change rien. Si. Bah, sur le résultat des jeux, je pense que les gens vont préférer jouer à la version, les speedrunners te diront, je pense que on doit bien arriver à une ou deux secondes de différence à la fin d'un jeu de 8 heures. Ouais, c'est ça. Ouais. Et qu'est-ce qui motiverait justement ce genre de différence alors, au final? Alors ça, c'est une bonne question. Je pense pas qu'on ait une quelconque explication, même de la part de Nintendo. Bah, en fait, je pense surtout qu'ils avaient dû inclure pas mal de choses dans la Famicom, en disant peut-être qu'à l'avenir, on en aura besoin pour faire ça, ça et ça. Voyant comment ça a évolué entre les premiers modèles de Famicom et le lancement en Amérique du Nord, ils se sont peut-être dit, oh, c'est bon, il y a peut-être des choses qu'on n'a pas besoin, on va peut-être pas se prendre la tête, du coup... C'est peut-être ça, regarde, par exemple, on n'a pas eu non plus les lunettes 3D pour la Famicom. Oui, bah oui, ils s'adaptent au marché, ouais. Ils se sont dit, il y a des choses qui ne marcheront peut-être pas sur ce marché-là en particulier. Donc... On a eu le Power Glove. Ouais. Oui, on n'a pas eu le clavier qui permettait de jouer au piano avec la NES. Et t'as, si. Pas, eu, et t'as pas eu non plus Famicom. Miracle, il est sorti. Le Miracle, ouais. Oui. D'ailleurs, TMR l'a fait et il a passé 80 heures dessus parce qu'il voulait passer tous les morceaux. Hein, donc voilà. Petite parenthèse collectionneur. Miracle aujourd'hui complet boîte et notice avec son clavier est sans doute le jeu PAL le plus rare. Oubliez les histoires le gars avec l'étoile. Oubliez votre stack-up en boîte avec les accessoires. Miracle avec le piano complet, c'est encore le level au-dessus. Pour te dire, je t'ai persuadé qu'il n'était même pas sorti chez nous tellement il est rare. Ah oui, bon, ça c'est du très lourd au niveau introuvabilité. Voilà. Encore gimmick, bon, c'est malheureux à dire, mais tu peux encore trouver une cartouche de repro. Comment tu vas trouver un miracle piano? Voilà. C'est un piano pour la production, c'est compliqué. C'est le même problème que les accessoires pour Stack Up. Voilà. Encore que peux le trouver en version Jap, mais... Voilà. Par contre, le Satellite, le NES l'avant NES Force Core, mais... Ah, le Force Core, ouais, il vaut que dalle. Ça, il n'est pas sorti chez nous, celui-là. Le Force Core, s'il existe. Non, le Satellite, l'adaptateur sans fil, en fait. L'avant NES Force Core. Quid ? Non, ça ne me dit rien du tout. Moi, j'ai un Force Core, donc oui, mais avant, non. Ouais, non, parce qu'ils en ont sorti un avant. Ils ont fait un Satellite. Attends. D'accord. Je savais pas. Mais c'est un adaptateur en fait, mais sans fil. D'accord, donc il marche en Bluetooth, enfin en Bluetooth en infrarouge. Pardon. Ouais. Je suppose. Mais enfin, en tout cas, on a eu des manettes infrarouges pour la NES. C'était à Acclaim, je crois, qui les commercialisait. Oui, c'est pas terrible. Il y a eu des modèles pas terribles. Ouais, le Nintendo NES Satellite. Attendez, je vais mettre la photo sur, sur le chat. Par contre, une autre chose qu'on n'a pas eue, c'est le Family Basic qui permet de transformer la Famicom en un ordinateur. Bah non, oui, c'est vrai qu'il prouve que... Après, donc on l'a dit un peu plus tôt, avec sa SC1000, Sega a sorti la SC3000 qui était une version ordinateur. Avec la Mark III au Japon, je ne l'ai pas dit, mais je vais le dire maintenant, Sega avait la même idée. C'est-à-dire que pour la Mark III au Japon, il est sorti un clavier, il est sorti une table graphique, et il est sorti des éléments comme ça qui pourraient faire penser que la console aurait pu servir de cœur à un système qui était orienté micro-ordinateur. Et c'est vrai que Nintendo, avec son Basic, bah, ils ont voulu faire un petit peu la même chose. Non, c'est ça, Chou. Ouais, ouais. Alors après, c'est rigolo, mais le Basic, il est développé par Hudson. Le clavier est développé par je sais plus qui. Enfin bref, c'est très drôle. Et souvent, on pense que le set complet, c'est le Family Basic, donc le clavier et la cartouche. Mais non, parce qu'il y a un magnétophone qui s'appelle Nintendo Data Recorder ou un truc comme ça, qui parfois s'arrache à des sommes folles sur eBay. Alors si vous avez le nez fin, essayez d'en choper un d'occasion et changez la courroie. Généralement, dans les magnétophones, c'est généralement un problème de courroie. Je vous ai mis la photo dans le chat. Ah oui, oui, d'accord, oui. Ça, pour le coup, c'est sorti en Amérique du Nord, je pense. Ah, bon, bah, c'est pas sorti chez nous. Hein. Chez nous, je sais pas, j'en ai jamais vu. En plus. Après, c'est le design gris et blanc occidental. Mm. Donc y a peut-être des chances. Ouais. Et normalement, c'est l'avant NES Force Core. Ils ont sorti le NES Force Core après. Oh, ça fait rêver ce truc-là. Oui, c'est cool. Hein. Je suis d'accord. Family Basic, Nintendo, Hudson pour le logiciel et Sharp Corporation. Par contre, Sharp, je ne sais pas ce qu'ils ont fait. sans doute le clavier en lui-même. Oui. Effectivement, il y a un data recorder, c'est bien ça, cherchez le nom. Le data recorder, code HVC-008. Parce que chez Nintendo, toutes les machines ont un nom bizarre. Voilà. Mais c'est intéressant parce qu'on avait vraiment... on parle aujourd'hui, il y a des accessoires qui sortent pour les consoles de jeux, mais déjà à l'époque, il y avait cette façon de sortir, d'essayer de sortir des accessoires et accessoiriser beaucoup de choses. On t'a parlé tout à l'heure des lunettes 3D. La Famicom a connu au Japon des lunettes 3D, mais des vraies lunettes 3D. C'est-à-dire pas de la 3D anaglyphe comme nous on a eu dans Rad Racer en Europe. Non, Rad Racer au Japon, il était en vrai 3D, avec des lunettes à cristaux liquides. Qui permettait de voir vraiment en relief. Donc les mêmes qu'on a eu pour la Master System en Occident et qui font dire que, vu le bide que les lunettes Master System ont fait, on comprend pourquoi Nintendo s'y est jamais risqué. Mais à l'époque, il y avait vraiment... ils essayaient d'explorer ce genre de... Enfin, ça me paraît fou de dire aujourd'hui qu'il y avait des lunettes 3D pour la NES et pour la Famicom et la Master System. Là où... finalement, on reparlera de 3D après que pour la PS3. Quoi. Non, mais après, en termes d'accessoires, à la NES, même la Famicom, ils étaient dans le futur. Hein. Honnêtement, il y a des tonnes d'accessoires. Manette, je crois qu'il y a une manette infrarouge aussi de Acclaim. Oui, on en parle. Pas de base. Je vais mettre le lien à l'instant. Voilà. Ouais. Et quand on voit ça, même le tapis, il y a un tapis de fitness aussi. Pour... Alors, pour le coup, le tapis... Ah, oui, oui. Alors, pour c'est... le coup, c'est Amiga Corporation, avant la création de l'Amiga, qui avait inventé cette connerie. C'est pas... le fameux message d'erreur Guru Méditation, apparemment, ça vient en fait du tapis... je sais plus si c'était un tapis, enfin bref, un machin dans ce genre-là. Ou quand quelqu'un s'était assis dessus en tailleur, et c'est devenu la méditation du gourou. Il y a une histoire un peu bizarre comme ça. Il y a même aussi, je sais pas, sur, je sais pas, c'est pas super commun, le U-Force. U-Force, ouais. Je pense même pas que ça soit sorti chez nous. Il y a des chances quand même. C'est quoi, c'était de la détection infrarouge? Ouais. Tu dirigeais ça avec la main, c'était super bizarre. Et c'est Konami, il me semble aussi à l'époque, il avait sorti un truc qui se maniait à la voix. Ah oui, oui, comment ça s'appelle ce truc? Oui, oui. Donc, pour le U-Force, je vous mets ça aussi. Le U-Force, c'est Broderbund. Broderbund, c'est pas ceux qui ont. C'est pas Prince of Persia Oui, c'est un éditeur, ouais, c'est éditeur allemand, oui. Il me semble c'est Pop, hein, Broderbund. Broderbund, Shoplifter, déjà, pour commencer. Lone Runner, Spelunker. Non, mais voilà, en termes de d'accessoires, la NES, la Famicom, ils avaient de quoi faire. Effectivement, Brother Moon, c'est aussi Prince of Persia. Ouais. Et les Carmen Sandiego, ceux qui connaissent. Et on parlait d'accessoires aussi, hein. Le zapper. Oui, bien sûr. Alors, les pistolets optiques. Hein. Ah ouais, comment l'oublier? Après, on a eu la même aussi sur Master System. Hein. Ça, c'est le zapper, c'est un machin. Tu veux faire marrer un gamin, tu mets ça dans les mains, mais à côté, t'as le parent qui va dire oh, je t'assure, hein. Tu l'es joué avec ça 2 minutes. Au bout de 2 minutes, l'adulte va te regarder et va dire « Vous savez comment ça marche, ce truc ?» C'est-à-dire que maintenant, en 2018, il y a des gens qui sont encore fascinés par ce machin, en fait. Bah, parce que c'est toujours aussi cool. Oui, mais c'est sûr, vrai, en plus. Non, c'est... Même encore maintenant, moi, tu me donnes ça, moi, je suis content d'y jouer. En 4 ans où j'ai que je fais maintenant ce métier, il y a une anecdote que je répète à tout le monde, parce que pour le coup, c'est... Quand des fois j'ai pas le moral, je repense toujours à ça. J'ai vu une gamine expliquer à son grand-père, je t'assure que c'est son grand-père, comment le scénario de Duck Hunt. Alors c'est en fait le chien, il a faim. Alors en fait tu dois tuer les canards pour nourrir le chien. J'ai écouté d'une oreille, ça m'a fait crever de rire et voilà. C'est magique le zapper. C'est et puis ça marche en fait aussi. Oui, et ça marche bien. Non, c'est vrai, hein. et ça existe en 2 coloris. En plus. C'est vraiment le truc de base pour attirer les jeunes, n'importe quel âge, même encore aujourd'hui. En oui, totalement. Je mets rapidement dans le chat, parce que elle m'envoie le lien à moi, mais on va faire profiter de pour moi pour ceux qui souhaiteraient acquérir Miracle en version française et allemande. J'ai pas envie de cliquer. Enfin, il est neuf. Ouais. Ah ouais. Je vais cliquer, mais je vais pas. Je trouve pas même pas ça si je cherche ça. Je m'attendais à pire. C'est complet. Avec ce que m'a dit Beyond, je m'attendais à pire. Moi aussi, je m'attendais à pire niveau tarif. Franchement. Bah ouais, c'est pour Konami. Que je te l'ai envoyé. Effectivement, je m'attendais à pire, mais ça fait pas. Ah oui, parce qu'il est neuf. Ah, c'est une belle somme, ouais. Et la boîte, enfin, l'ensemble est super beau, hein. De toi à moi, Beyond, un gimmick maintenant, NES, c'est quoi? C'est 1000 euros passés. Hein. Ouais. En boîte. Ça... Alors que paradoxalement, comme quoi la rareté, c'est quelque chose de relatif, alors que des gimmicks, je pense que. Il y en a plus que des miracles. Hein. Que Miracle dans cet état-là aujourd'hui, ouais, avec tous les accessoires comme il faut. Et tu parlais du truc que Konami, contrôlable à la voix, ça s'appelle le laserscope. Le laserscope, oui, qui marchait quand ça en avait envie. Oui. Avec son design du futur. Et l'objet est beau. Oui, elle est c'est magnifique. Hein. Et pour parler, je voulais parler aussi des accessoires et des contrôleurs un peu particuliers. Pof, juste celui-là, le Handle Controller de chez Sega qui sert à jouer notamment à Hang-On et à des jeux comme ça. Sur... Ah oui. Qui a été distribué donc par Ori au Japon et par Sega en Europe. Au niveau rareté, pour vous donner une idée, j'en ai jamais eu un entre les mains. J'ai jamais vu ça en vente ou que ce soit. C'est pareil, c'est le genre d'accessoires. Moi, j'en rêve tous les jours sur ma Master System d'en avoir un. Mais l'appel va nous trouver un lien sur eBay. Deux voilà, euros. Et ça, ça fait c'est vraiment ça, pas... que je clique sur achat immédiat. Ah, il y en a un à 85 euros en loose. D'accord. Ouais. Ah ouais. Ah ouais. Mais ouais, en parlant de contrôleur, NES, Nintendo n'avait pas fait aussi une manette pour les gens qui ne pouvaient pas bien jouer, les handicapés, déjà à l'époque. Si, je ne sais plus comment ça s'appelait. Je ne me rappelle plus, mais ils avaient déjà fait une manette pour ceux qui avaient du mal à jouer, une manette spéciale, déjà à l'époque, hein, pour la NES. Hein. Contre le nom. J'ai trouvé ça, t'inquiète. Le Handfree Controller, c'est pas ça C'est possible. Peut-être, ouais, mais ouais, c'était vraiment une manette. Voilà, spéciale. Et apparemment, c'est par rapport au souffle. Mais... Ouais, ça fonctionnait. Donc déjà Nintendo à l'époque, il pensait. Donc effectivement. Alors, c'est pas un accessoire Famicom. On va trouver. Hein. C'est le hands-free, ouais. Hands-free controller. Ah oui, ok. Alors juste un petit mot pour parler de la guerre Sega Nintendo, hein, comme on l'a déjà évoqué. Belle qui me disait, mais de toute façon que Nintendo a toujours gagné. C'est pas ça que tu disais. Non. Ça dépend des pays, en fait. En vrai, non. Ça dépend pas des pays. C'est-à-dire que Nintendo a gagné partout, mais plus ou moins bien. C'est chez nous qu'ils ont le moins gagné. Au contraire. C'est chez la Master System, au contraire, en France, et en Europe, et en France en particulier, a connu une assez belle carrière. Notamment, oui, mais c'est ce que je disais à Beyond récemment, justement. C'est que les tout débuts de la Master System, elles se vendaient deux fois plus que la NES. Oui, mais il y a une raison pour ça, et tout le monde le sait. Le prix. Bah, la raison, c'est... Bah non, c'était pas le prix, en réalité. C'était un article, en fait, sur les publicités dans les magazines à l'époque, et Tilt et tout ça. C'est que ces gars avaient complètement pris l'ascendant à Nintendo là-dessus, et c'est ça qui faisait vendre... Et le prix, parce que moi, tous les gens que j'ai connus, quand tu leur demandais pourquoi vous avez la Master System, parce que c'est moins cher. Le problème de la Master System au départ, enfin le problème de la NES au départ en Europe, c'est l'organisation et la distribution de la console. Oui. En gros, pour situer, imaginer les gens un petit peu, l'Europe, c'est pour les Nintendo of Japon, je pense, c'est une petite succursale de Nintendo of America, à peu de choses près. Je pense que c'est comme ça qu'on devait être perçu à l'époque. Oui. Genre, il y a un marché là-bas, ça m'étonnerait bien. Et donc, dans un premier temps, la distribution de la NES a été complètement chaotique en Europe et surtout complètement éclatée. Ou donc, là, en France, c'est une petite société montée un petit peu à la va-vite qui s'appelait ASD, qui a sorti la console avec quelques jeux, les fameux jeux Black Box qui sont très recherchés aujourd'hui. Mmh. Et c'est vrai que la distribution a été pas fantastique du tout de la NES. Et notamment avec certaines erreurs qui font sourire aujourd'hui, comme le fait de sortir Gyromite, le jeu tout seul en boîte avec ses accessoires. Ah oui. Ou de sortir un Rob aussi en boîte à part, alors que acheter Rob à la rigueur, Mais ce que je veux dire, c'est qu'à partir du moment où vous achetiez normalement la NES avec Gyromite, avec Rob, vous aviez Gyromite et les accessoires. Oui. C'est-à-dire, il n'y avait aucun intérêt d'acheter un Gyromite à part. Aucun. Personne ne vous aurait voulu juste acheter le jeu tout seul, à part peut-être pour des pièces de remplacement. Oui, sauf les gens qui s'y connaissaient rien et qui se trompent. Et donc, ouais, c'est vrai qu'il y a des petites erreurs qui font qu'aujourd'hui, c'est un des jeux les plus recherchés parce que justement, au bout d'un moment, ils se sont rendus compte qu'ils avaient commis quelques impairs. Ouais. Et ensuite, donc, lorsque la distribution, un petit peu plus tard, c'est beaucoup professionnalisé via Bandai, et que l'Europe a été divisée donc en deux zones, la zone PAL A et PAL B, nous on fait partie de la zone PAL B, les consoles se sont mises à être disponibles, les jeux partout, sauf que Sega of America phagocytait la plus grosse partie des jeux, et les sorties en France étaient parfois au compte-goutte, notamment, je vous invite encore une fois à lire les ouvrages de référence de Florent Gorge là-dessus, qui, avec des interviews extrêmement intéressantes du personnel de Nintendo France à l'époque, qui disait que ils n'arrivaient pas à déterminer quelle était la sortie du premier Zelda en France, tout simplement parce que il n'y avait pas eu de date officielle, parce qu'ils avaient reçu des cartouches au compte-gouttes de Nintendo of America, parce que tant que le jeu a fait un carton là-bas, ben, l'Europe n'était simplement pas servie. Non, ils n'avaient pas besoin de nous, quoi. Voilà, ça transitait par eux, et à partir du moment où ça faisait un carton là-bas, nous, on avait droit aux miettes, à peanuts. Voilà. Après, des dates de sortie de jeux qui sont devenues un mystère des décennies après, du temps de l'Atari aussi, ça existait. Il y a, pendant des années, les gens se battaient pour dire quand était le jour de sortie officielle de Pac-Man sur Atari 2600. Ouais. Après, ça intéresse peu de gens, ce genre de débat, surtout sur l'Atari. Mais enfin, voilà, à l'époque, ce n'était pas vraiment une date de sortie officielle. Et dès l'instant où les cartons étaient envoyés, on les mettait en vente. Bah, en parlant de sortie de console, Nintendo avait demandé à Atari de l'aider pour la vente à l'époque. Hein. Ouais. Atari leur avait demandé, il leur avait dit, allez vous faire voir, quoi. Atari, toujours dans les bons coups. Après, hein. Après pour le coup, si vous voulez, à ces cas, je vous prépare une chronique sur l'histoire tumultueuse en fait, d'Atari avec le Japon. Vous allez voir, c'est très drôle. Ça m'a fait rire. La compagnie Atari, sous trois directions différentes, ils ont réussi à se planter. Donc, ils ont réussi à se planter à l'époque où c'était Warner Interactive, à l'époque où c'était Tramiel, ils ont réussi à se planter, et à l'époque, la Jaguar, ils ont réussi à se planter. Non, mais là, pour le coup de la NES, c'est quand même fumant, quoi. Nintendo vient et leur demande, et lui, il dit non, démerdez-vous. Ben, voilà. Après, pour le coup, ça arrivait quand ? Ça arrivait en 83. Ça arrivait en plein moment où ça se cassait la gueule. C'est ça, avec le moment du... Et chez Atari, ils disaient, bon, allez, on a encore des parts de marché avec la gamme Atari 8-bit, les Atari 400-800. Enfin, à l'époque, c'était 600XL et 800XL. Ils n'avaient plus du tout envie d'entendre parler de jeux vidéo. C'est vrai, mais là, pour le coup, c'est dommage pour eux, quoi. Ils avaient l'occasion de briller. Eh ouais. C'était juste une petite aparté sur Atari. Et parce que il y a autre chose que je veux dire par rapport à la Famicom et à la console Master System, qui aussi est très frappant et qui explique peut-être aussi la façon dont les consoles sont perçues en Occident et qui soit très différente de la façon dont les consoles sont perçues au Japon. La Famicom au Japon, c'est un peu comme la Super Famicom. C'est la console où tu sais qu'il y a un nombre de jeux arrêtés qui est sorti, mais où tu as juste l'impression, tous les trois jours, de découvrir un jeu que tu ne connaissais pas. C'est-à-dire que la grande majorité des titres sont sortis au Japon. Certains ont été adaptés aux États-Unis, et certains, un peu moins avec du bol, sont arrivés jusqu'à l'Europe. Sega, c'est exactement l'inverse. Il y a plein de jeux qui sont sortis en Occident, et il y a plein de jeux qui sont sortis en Europe, qui ne sont jamais sortis, au Japon, sur Master System. Donc Sega a eu la politique strictement inverse, c'est-à-dire que dès le début, ils ont senti que ça puait un peu au Japon, et ils ont mis le paquet sur l'Occident, et en particulier sur l'Europe, là où Nintendo n'était pas du tout organisé à l'époque. C'est pour ça que la Master System, en France, il y a plein de monde qui vous dit « Ah ben oui, moi j'avais la Master System, en particulier la Master System 2 avec Alex Kidd. » Ça fait partie, c'est une des Madeleine de Proust de beaucoup, beaucoup de Français. Ouais. Moi j'avais la 1. Après aussi, pour le coup, t'as des pays comme l'Angleterre, ouais, où Nintendo s'est chié dessus avec la NES. Pourquoi ? Ils ont vendu ça à un prix tellement fou. Tu vends une console, elle est très bien, on est le même, c'est pas la question. Mais tu la vends à un prix tellement prohibitif, et surtout dans le pays où le truc le plus populaire, c'est un ordinateur low cost qu'ils appellent le ZX Spectrum, et dont les jeux coûtent 3, entre 1 et 5 livres. Il y a un problème, tu peux pas après décemment réclamer, je crois que c'était 35 ou 40 livres pour un jeu. Voilà. Et pour de l'autre côté, ces gars, en fait, chez eux, apparemment, ils ont directement été, avant de la console, à un prix plus modique, ce qui fait qu'il y a eu des pays comme ça en Europe où, pour le coup, ces gars avaient bien de l'avance sur Nintendo. Après, on parle de l'avance de Sega, mais il y a toujours des pays où c'est toujours d'actualité, hein, où elle a duré très très longtemps. Hein. Ah oui, bien sûr. L'Amérique du Sud. Et donc, l'autre gros coup de Sega, oui, enfin gros coup, je sais pas si on peut dire gros coup. Je sais pas si c'est un gros coup pour Sega ou si c'est un gros coup en fait pour la marque qui a acheté les droits de Sega. Mais oui. Donc, en Amérique du Sud et au Brésil en particulier, on est d'accord que dans les années 80 et dans les années 90 surtout, le niveau de vie n'était pas du tout au même niveau que les pays dits développés comme l'Europe, l'Amérique du Nord ou le Japon. Bah, totalement, c'était un luxe. Là où nous, on a acheté des consoles 16 bits, une petite marque au Japon, une petite marque justement en Amérique du Sud, arrêtez la drogue, et ouais. Donc au Brésil en particulier, s'est dit qu'il pouvait arriver à essayer de négocier un contrat avec Sega pour sortir des consoles fabriquées par eux-mêmes, des jeux fabriqués par eux-mêmes en toute autonomie, pour arriver à continuer à faire vivre la Master System, qui aurait été pour les Brésiliens quelque chose d'achetable à bas coût dans les années 90, et voilà, d'affordable, entre guillemets, comme diraient les Anglais. Et ils ont totalement réussi, c'est-à-dire que lorsque nous, on rêvait et on jouait surtout à la PlayStation, les petits Brésiliens continuaient à avoir des jeux qui sortaient sur Master System. Ouais, ouais, ouais. 95, 96, 97, voire 98. Ce qui est complètement fou quand on y pense. Hein. Et des jeux d'une qualité. On parle vraiment des jeux Master System brésiliens là. C'était non, pas bien. Peut-être pas. Hein. Parce que au-delà de ça, il y a une autre console qui a aussi marché longtemps et qui est très proche de la Master System, c'est la Game Gear. Puisque la Game Gear, dans son idée, dans la conception, c'est un peu une Master System portable. Ah c'est la Switch avant la Game Gear. Il y avait l'adaptateur pour lire les jeux. Le Master System Converter. Il y avait le Master System Converter qui donnait le même effet que la PC Engine Turbo GT. Ça, il y a des jeux, c'était bien. Oui. Il y a des jeux, c'était illisible. Oui. La Switch avant l'heure. J'en jouais à Sonic Master System sur Game Gear. C'est un concept. Non, mais moi, je me souviens, par exemple, avoir joué sur une Game Gear avec un Master System Converter à Astérix Master System, et c'était jouable. Moi, je l'ai toujours, et je joue à Spellcaster. Mais en fait, c'était exactement le même problème pour la PC Engine, la Turbo. C'est la rémanence. Si ça allait trop vite, c'est surtout que tu sais, c'est les personnages en fait doivent pas être trop petits par rapport à l'écran, quoi. Tu vois. Alors c'est un petit peu ce que j'ai dit quand j'ai parlé de lisibilité, mais d'accord. Ouais. Ah bon, d'accord, que... ok. Non, mais ok. Non, je sais. Mais c'est parce que c'est pas de conneries, c'est tout simplement que la Master System était prévue pour sortir sur une télé 4 tiers, hein, en gros, hein, et voilà, le format d'image de la Game Gear, bah, c'était pas ça. Mais voilà, mais justement, croppé, quand tu vois par exemple le Wonder Boy qui est sorti sur Master System et le 3 est également sur Game Gear, tu vois que les dimensions du personnage quand même sont beaucoup plus lisibles sur un petit écran, quoi. Forcément, parce que c'est pas le même cadrage en réalité. Après, si vous voulez vous convaincre du manque de lisibilité d'une console comme la PC Engine Turbo GT, vous allez dire ouais, mais non, l'écran il est bien, tout ça. Ok, lancez Dragon Spirit ou un Superstar Soldier et essayez d'y jouer. C'est ça. Mais justement, voilà, c'est exact. Oui, je suis d'accord. Mais les derniers jeux qui étaient sortis sur PC Engine étaient clairement prévus en réalité pour la portable. Hein. Ça se voit avec les New Adventure Island. On pouvait mettre les cartouches directement sur la console portable. Oui, de toute façon, elle pouvait tous les lire. Mais voilà. On savait que la cartouche était en réalité prévue pour la porte. Ça se voyait, parce que le personnage devenait beaucoup plus gros à l'écran dans les derniers jeux, et on sentait que c'était vraiment l'idée de jouer en mode nomade, c'est clair. Donc voilà. Je voulais le dire, c'est tout. Oui. Non, mais voilà, c'est pour dire que donc, le destin de la Game Gear est assez lié au destin de la Master System, parce que, en vrai, les tout derniers jeux sortis au Japon, j'y tiens, au Brésil, sur Master System, j'y tiens, hein, moi, Japon, c'est pas pourquoi. Oui, j'y tiens. Oui. Ces tout derniers jeux-là, Master System, étaient en fait des jeux Game Gear, portés pouf, presque tel quel, comme ça, sur Master System, juste en adaptant la palette de couleurs qui n'était pas tout à fait la même. Parce que la Game Gear a connu des sorties de jeux, elle aussi très tardives, jusqu'en 95-96, vous aviez encore des jeux Game Gear qui sortaient, et pas qu'un peu. Et c'est ça qui est fou, c'est que Sega a quand même vraiment bien exploité son hardware jusqu'au bout, quoi. C'est pas une console qui a été abandonnée en cours de route, même si la guerre était perdue, je veux dire, face à Nintendo. Oui. En vrai, Sega a toujours soutenu à fond sa console. Oui, oui. J'aimerais bien savoir lequel c'est le dernier jeu Game Gear sorti. C'est une bonne question en date. Ah. C'est peut-être le comment ça s'appelle le jeu que j'ai découvert récemment, bien qui m'avait plu là, le Sylvan. Sylvan Tail. Ah oh, là là, qu'est-ce qu'il est. Tail. Viens voir. Alors, peut-être que j'ai trouvé l'info. Master System. Game Gear plutôt. Lost World Jurassic Park, août 97. D'accord. Ah oui. Après, selon le site Giant Bomb, hein, donc c'est. À mon avis, ça doit être. En août 97, on joue à quoi? FF7. Bah oui, FF7, c'est 97. On joue aussi à Mario 64. Ouais. Ouais, sachant que le dernier jeu Mega Drive officiel, c'est 98. Mmh. Ouais, c'est chaud. Hein. Donc, Sega a vraiment toujours soutenu ses consoles 8 bits, entre guillemets, vraiment au-delà de. Oui, parce que c'était un très très gros marché pour eux aussi. Hein. Donc, ils avaient tout intérêt à le faire. Après, effectivement, c'est pas tout le monde qui l'aurait fait. Petite photo d'Icoban de la Mega Drive 3 de Tectoy. Oui, parce que Tectoy, une fois qu'ils ont rincé la Master System, ils ont fait pareil avec la Mega Drive, évidemment. Il y a un modèle également sorti de Master System au Japon qui s'appelle la Master System 3. Et pour la petite anecdote, les derniers jeux Master System sortis par Tectoy au Brésil, j'ai pas dit Japon, ne sont pas compatibles avec la première Master System. Ils ne fonctionnent pas. Voilà. Ils ne fonctionneront qu'avec une Master System 2 ou 3. Et comme sur la Mega Drive 3, justement, la brésilienne, il y a des jeux, il y a carrément du Java dedans. Ils ont fait des portages de jeux et il y a des morceaux de Java. Genre, plus rien à foutre, quoi. C'est... Parce que, voilà, on s'était assez débridé. Je ne sais pas s'il y avait grand monde qui contrôlait ou est-ce que Tectoy faisait en vrai. Je pense pas, non. Je suis étonné que BuzzDick n'ait pas... Oui. Rebondis sur le terme Java. Alors Java, c'est un langage de programmation. Hein. Ah mais voilà, je sais. Quand on fait la Java. Voilà. Non, moi, je pensais plus à Michel Sardou, effectivement. La javanaise. D'accord. Je vous déteste tous. Reprenons. Il y a Skyrim sur les Canaries aussi. Et je voulais juste te parler donc d'une autre une autre chose. Alors, il faut que j'arrive à trouver l'image parce que c'est évidemment je clique et je ne la trouve pas si elle est là. Hop, pouf. Voilà. Et ça, c'est extrêmement intéressant. Je vous copie le lien dans le chat. La Master System est également sortie en Corée, fabriquée par Samsung. Enfin, tout comme la NES aussi, qui s'appelait Convo, je crois, non, c'est ça? Oui, Convoy. Toujours dans les bons coups. Convoy, ouais. Et donc, ben voilà, la Master System coréenne aujourd'hui, il y a une Master System 2 également. Ça, non, elle ressemble à la nôtre. Hein. C'est oui. Mais genre, mais ça, c'est le rêve d'avoir ça aujourd'hui pour un collectionneur. Waouh, c'est beau. J'aime bien le jeu de société Alexis juste au-dessus. Ouais, moi aussi. C'est, je trouve super mignon. Et en parlant d'Asie du Sud, on a oublié de préciser que la Famicom, elle a été commercialisée, et j'assure, c'est pas une connerie, sous le nom de Tata Famicom. La Tata, oui, c'est vrai, oui. En même temps, on dit ça, mais la Famicom, elle, c'est quoi, c'est 20 ans 20 ans avant la fin de la commercialisation? Ouais, enfin après, il y a eu, pendant combien d'années, Nintendo a continué à supporter les réparations? Ça, je sais pas, mais il me semble que c'est en 80... Ouais, 80, quoi. 90. Et est-ce que sur le coup, ils ont nommé la Super Nintendo Yo-Yo? Vraiment, faire la blague. Je voulais pas la faire. 2003, fin de la production de la Famicom. Ouais, donc voilà, 20 ans. Hein. Mais dans la délibre de Florent Gorge, je disais, je sais plus jusqu'à quelle année, il continuait Nintendo à presser des jeux disque système si tu leur envoyais tes disquettes. Donc pour le coup, je pense que ça a été supporté encore un long moment après. C'est cool, hein. Parce que le disque système, ça n'a pas duré super longtemps non plus. C'est ouais. Quoi, c'est deux ans, trois ans Pour du FDS. Le Famicom Disk System, alors de notre point de vue à nous, c'est un petit peu un accessoire. Fin de production 2003 aussi. Le Famicom Disk System, de notre point de vue à nous, c'est un accessoire exotique. Mais pas chez eux. Hein. Vu du Japon, le Famicom Disk System, ça a fait un carton, en vrai. Un carton. Genre. Choix, hein. 4 millions d'unités vendues. Ouais, et quand tu sais que sur les 4 millions, t'as plus de 2,5 millions de Lost Level. Voilà quoi, c'est le jeu le plus vendu. Hein. Juste pour donner une idée, la Famicom au Japon s'est vendue à un peu moins de 20 millions d'exemplaires au Japon seul. Et 63 en tout. Et ce que je veux dire par là, c'est que le Famicom Disk System, ça représente 4 millions. Ça veut dire qu'il y a un cinquième des acheteurs de Famicom qui ont acheté un Disk System. Donc un accessoire vendu aussi cher que la console. Pour faire des. Si vous croyez une seule seconde que un cinquième des possesseurs de Mega Drive vont acheter un Mega CD, c'est pas vrai. Et un 32X. Parce que comme d'habitude, ces gars, ils n'ont pas fait les choses bien. Nintendo, ils ont mis leur meilleur jeu uniquement sur Famicom Disk System. Mais ça les Metroid 2 achète. Zelda, c'est pareil, c'est magique. Ça les empêchera pas quand même de se planter quelques temps plus tard avec 64 DD. Oui. Voilà. Donc, oui, parce que la cartouche c'était plus cher aussi. Sauf qu'il y avait ça, et il y avait le fait que ça partait sur une console qui de base n'était pas très vendue. En plus, oui. Enfin, pas très vendue. Oui. Toute proportion gardée. Voilà, relativement. Et juste où tu parlais des ventes globales, donc la NES au total c'est 61,91 millions de ventes, dont 19,35 pour le Japon. 8,56 millions pour l'Europe et c'est ça qui est intéressant aussi à savoir, 34 millions pour l'Amérique du Nord. Ça veut dire que il s'est vendu 34 millions de NES en Amérique du Nord, c'est-à-dire qu'il s'est vendu plus de consoles en Amérique du Nord qu'au Japon. Et la portée en fait, de la NES aussi en Amérique du Nord, elle est considérable. Pour moi, avoir côtoyé régulièrement des rétro-gamers américains. Les rétro-gamers américains, ils collectionnent tous les jeux NES. Tu leur parles de la Master System, ils se regardent tous avec, ils regardent le sol en faisant... Un truc... De toute façon, ça se voit, tu regardes les films. Regarde juste les films américains, regarde les films dans lesquels apparaissent la NES et les films dans lesquels apparaissent le Master System. Ah, et puis peut-être plus proche de nous... C'est bête, hein, mais... Peut-être plus proche de nous sur Twitch, tu regardes les jeux René dans un marathon speedrun style AGDQ. C'est plus de la Master System. Tu comptes le nombre de jeux NES et tu comptes le nombre de jeux Sega. Même Sega, hein, tout court. Alors que pourtant, la Mega Drive, la Genesis, elle a fait un carton chez nous. Mais... Je vais faire un petit big up alors donc au marathon de l'ESA qui est en train de se dérouler en ce moment même et qui est restreamé en français. Sur le baguette restream. Sur le baguette restream, demain matin, je vais commenter le seul et unique jeu Master System de la semaine. Ah ben voilà. Wow. Alors que eux, oui. Eux, ils ont deux streams en même temps. Hein. Alors, il y a d'autres jeux Master System sur le second stream qui n'ont pas été restreamés. Donc demain matin, une race sur Tasmania. En plus, ils ont tellement choisi le meilleur jeu Master System. Venez, ça va durer 10 minutes. À quelle heure? Dans la matinée, pour l'instant, on est autour des 10h30, il me semble. D'accord. Pour ceux qui se demandent, la chaîne, de toute façon, je les hosterai après à la fin. Donc, directement sur le baguette stream à la fin du. Malheureusement, podcast, je pense que le podcast ne sera pas en ligne, mais si tu veux éventuellement, tu peux faire un tweet depuis le compte, en fait. Ah non, non, non, non, non. Enfin, c'est un petit host Twitch. Hein. Attends, moi j'ai 3 viewers et demi qui se battent en duel, hein. C'est bon, on va pas faire là. Non, mais pas de soucis. C'est pour ceux qui voudraient voir ça après, tranquille, voilà. Je serai au commentaire demain matin pour le petit segment console, comme d'habitude. On a Solar Jetman sur NES, Tasmania sur Master System et un certain Penguin Monogatari sur Famicom. Voilà. Et ça va être bien. Et puis après, les PCistes en reprendront les droits, comme toujours. Et donc, juste parce qu'il est déjà 22h44, en vrai, ici, je ne sais pas si on avait déjà dit ou c'est bon de rappeler, mais pour ceux qui, à l'époque, ont connu l'époque Master System et NES, évidemment, vous aviez laquelle des deux, vous ? Ben, moi, non. Aucune. Mais j'en avais une apprêtée par un de mes cousins. Il me semble que c'était la une. Et c'était Alex Kidd dedans, je crois. Moi, c'était Master System 1 avec Alex Kidd. Et la NES, j'y jouais chez mes cousins. Moi, et j'ai toi, Pelle ? Moi, j'étais pas né. Non, c'est une blague. C'est parce qu'en fait, Pelle n'y est pas là. Non, attends, alors moi, j'étais pas né. Par contre, je sais qu'il y a un de mes cousins, lui, c'était la Master System qu'il avait. Et la version avec Alex Kidd qui était dedans. Parce que ça, je sais pas si on en a parlé. Bah dans la 1 et dans la 2, il y avait Alex Kidd, en fait. Dans les deux. Ouais. Il y avait des jeux intégrés dans la machine, dans le Master System, ce qui n'était pas le cas dans la NES. Voilà. Alors, la philosophie de vente de la Famicom au Japon, ça a toujours été de vendre des consoles seules. Ouais. Les bundles avec les jeux pour faire vendre les consoles, c'est quelque chose de très occidental, en vrai. Au Japon, il ne fonctionne pas vraiment comme ça. Et par contre, sur le coup, donc la Master System et la Mark III au Japon n'ont jamais eu de jeu intégré. Jamais. Quand vous allumez une Master System japonaise, vous avez un logo animé, qui est d'ailleurs assez fantastique, hein, avec une super musique absolument géniale, mais pas de jeu intégré, aucun. En Europe, nous, quand on allume... En Europe, dans un premier temps, Sega a fait le choix dans la date, de ne pas intégrer de jeu à la console. Vous aviez juste, si vous faisiez la bonne manip à la manette, un petit jeu de labyrinthe avec un escargot qui s'appelle justement Snake Maze. Et il y avait le jeu Hang-On qui était fourni au format carte à part. Mais rapidement, Sega s'est dit qu'au niveau coût de production, histoire de ne pas trop s'emmerder, pourquoi ne pas juste rajouter une puce dans la console avec un jeu à l'intérieur. Dans un premier temps, donc, ils ont ajouté Hang-On à la console sur les premiers modèles qui avaient juste le jeu Hang-On. Pour les jeux qui étaient vendus avec le Light Phaser, il y avait les jeux Hang-On et Safari Hunt qui était compatible avec le pistolet. Et pour les jeux vendus, avec les consoles vendues avec c'était le Super System, ils appelaient ça, donc avec une aide 3D, c'était le jeu Missile Command 3D qui était inclus dans la console. Et un petit peu plus tard, Sega a uniformisé tout ça grâce au jeu qu'il voulait que le jeu soit un petit peu à la fois la mascotte de la Master System et le vecteur d'entrée dans les foyers avec Alex Kidd in Miracle World, qui déjà donc à l'époque était un jeu qui présentait une trace d'occidentalisation avec la version intégrée aux consoles qui a remplacé l'onigiri par un hamburger. Ça a l'air de rien comme ça, mais quand tu t'adresses à des Américains et à des Européens... C'est clair que ça a plus d'impact. Hein. Ça montre que tu fais l'effort de le faire, que tu fais l'effort de t'adapter au public et que tu as envie de venir le chercher, entre guillemets. Ça a marché, parce qu'Alex Kidd a marqué bon nombre de joueurs, moi le premier d'ailleurs. Bah, comme je disais, mon cousin... Et par contre, suite à cette anecdote-là, à chaque fois qu'on achetait une nouvelle console, on l'allumait toujours pour voir s'il n'y avait pas un truc dedans, tu vois, 100 mètres de jeu. À chaque fois, on était déçu. Oui. Parce que forcément, je ne crois pas que ça se soit renouvelé. Hein. Non. Et juste un petit mot par rapport à... On parlait de jeu, mais il ne faut pas oublier aussi le jeu du labyrinthe. Oui, j'en ai parlé de Snake Maze, ouais, qui était inclus dans les premières versions de la machine avec une certaine manipulation. C'est ça dont tu parlais ? Oui, c'est ça. Ça m'a marqué. Ça. Qui avait, je crois que c'était 4 ou 5 labyrinthes avec toujours la même musique. C'était rigolo. Voilà. Et pour parler des jeux qui ont marqué, entre guillemets, un jeu qui a marqué qui a la France à tout jamais, parce que la France et l'Europe en particulier, c'est quand même le flair de Nintendo absolu qui a fait un truc fantastique, c'est vendre sa console en bundle avec le premier Tortue Ninja sur NES. Ah ouais. Alors, quelles que soient les qualités ou les mauvaises qualités ludiques du jeu, il faut reconnaître que tout le monde a joué à Tortue Ninja sur NES. C'est surtout que le dessin animé à l'époque explosait. Quoi. Le timing, il était exceptionnel. C'est pas un mauvais jeu en soi. C'est un jeu qui a une difficulté hyper mal dosée, c'est tout. Il est très punitif et les dernières portes pour trouver le Technodrome, je m'en C'est vraiment, c'est le seul jeu auquel j'ai joué sur une vraie NES en fait, je crois. Ah non, il y avait DuckTales 2 aussi, je crois. Arrête avec DuckTales. Mais Tortue Ninja, effectivement, oui. Alors, en tout cas, c'est le premier jeu auquel j'ai joué sur une NES, ça c'est sûr. Mais je pense que, ouais, je pense que. Même si je l'avais pas joué à ça sur une NES, ouais. Et c'est l'un des rares jeux que je sais quand je l'ai eu, à quel magasin et à quelle occasion. Donc c'est. Voilà, c'est particulier. Ah, mais ça fait partie des jeux qui marquent, effectivement. Moi, j'ai joué chez mes cousins, mais on y a joué beaucoup, quoi. Et il a beaucoup de charme en plus. Moi, je l'aime bien, celui-là. Mais c'était cool pour l'époque. Moi et toi, Pelle, je parie qu'évidemment, t'as eu une NES, t'as pas eu une Master System, toi. Oui, j'ai eu la NES, moi. Ouais. Effectivement. J'en étais sûr. Retourne où tu étais. Non, mais ça m'a manqué, en fait. Putain, oui, il y avait plein de jeux que je voulais découvrir. J'avais eu la NES, ouais. Par contre, j'ai pris la Mega Drive tout de suite après, quoi. On a Fury dans le chat qui nous parle de Chip and Dale's. Jeu de la NES aussi, celui-là. La NES avait cet argument qui fait que le Master System en face avait aussi des jeux fantastiques. Je pense notamment à des jeux comme Castle of Illusion ou les Deep Duck Trouble de Donald Duck. Qui pouvait donner envie d'acheter, mais c'est vrai que la NES en face, quand tu alignes DuckTales, Chip and Dale's et Tortue Ninja au moment où ces dessins animés-là font un carton à la télé, ou même Darkwing Duck. Ou même Batman, le Batman voilà, de Sunsoft. Batman, oui. Batman est fantastique. Et petit aparté comme ça, la série animée qui passait sur FR3 sort en coffret Blu-ray là en ce moment. Je me retiens l'intégrale. Je sais pas si je vais le retenir longtemps, moi. Il faut entendre l'intégrale de quoi ? L'intégrale des Batman. De Bruce Timm. Ah, ok. J'ai dit FR3, putain, je me sens tellement vieux là. Bienvenue sur FR3. Eh oui, aujourd'hui c'est Dot 3. Mais c'est rare en plus. Ah bah oui, c'est Dot 3, Dot 2, Dot 3, je suis désolé, c'est comme ça aujourd'hui. Le nouvel habillage, effectivement, mais on dit Grèce là, Grèce. Ouais. Et moi, donc à l'époque, je ne l'ai pas dit, mais j'ai gagné une Master System 2 à un concours. Voilà. Ma mère ne s'en est jamais remise, la pauvre. Donc c'était pas un choix, parce que moi, si j'avais pu choisir à l'époque, si mes parents m'avaient acheté une console, j'aurais pris une NES, parce qu'en vrai, tous les gens que je connaissais, mes amis, avaient tous des NES, et je jouais qu'à la NES. Et j'ai gagné une Master System 2. Alors que moi, on était beaucoup à avoir des Master System. Et c'est là que justement, j'ai commencé à dire, j'ai une Master System 2, et j'ai commencé à rendre compte qu'il y a certaines personnes que je connaissais moins, qui eux avaient des Master System, donc sur le coup... Les amis ont changé. Non, mais tu rigoles, mais c'est vrai. Je me suis fait des nouveaux amis grâce à ça, parce que l'échange. J'avais un pote à l'époque qui avait 2 ans de plus que moi, et 2 ans quand t'es au collège, c'est beaucoup, c'est le genre à qui tu parles pas. Et on s'est mis à se parler, à échanger beaucoup, parce qu'il avait une Master System, et moi aussi, et donc sur le coup, c'était cool, on s'est échangé massieux. Ouais, mais moi aussi, c'était pareil, c'est comme ça que j'ai pu jouer à masse de très bons jeux, à de moins bons jeux aussi, genre California Games. Oui, ou Rocky. Prêter un spellcaster contre un Rocky, j'ai encore mal aux fesses. Là. Voilà. Donc on a fait le tour. Je pense que c'est ça dont vous voulez parler aujourd'hui. L'anniversaire des consoles 8 bits qui font qu'on en est là où on en est aujourd'hui, quand même. Parce que c'est et qui ont marqué toute une génération de jeunes joueurs. Ouais. Bah ouais. Parce que ça, moi, la Master System, ça reste quand même ma première console. Oui, donc tu veux dire de vieux joueurs, du coup. Oui. Et j'avais quoi? J'avais 9 ans, 10 ans à tout casser quand je l'ai. Oh là là, t'avais déjà cet âge-là, alors que c'était il y a si longtemps. Pff. Je vous laisse deviner mon âge. Bah moi, j'avais l'Atari 2600. C'était ma première console, même si j'ai eu... Oui, mais toi, tout le monde sait que t'as 70 ans. Après, je peux pas tellement me moquer de Pell, parce que pour une Atari 2600, j'en ai une aussi. Ouais. Mais pas très longtemps, malheureusement. Pas qu'elle est tombée en panne. Bah moi, j'y ai très peu joué. Dis-toi que là où j'ai le plus joué à l'Atari 2600, c'est un pote qui en avait une, et on jouait déjà à la Super NES. Ok. C'est là où j'ai joué le plus à l'Atari 2600. Ok, et moi, en fait... Je me suis amusé, parce que c'était drôle. Le truc, c'est que j'ai... Pourquoi je l'ai eu si peu de temps? En fait, c'était toujours l'époque où il fallait le connecter, la console, en prise d'antenne. Oui. Et comme mon père, et même encore maintenant, tu touches à un câble, il pète un plomb. Le fait de tirer une prise derrière la télé, de la remplacer par une autre, faut pas aller pas y toucher, quoi. Touche pas à ça, petit con. Du coup, la console, je me souviens pas y avoir joué, mais... Tu sais, hein, les prises d'antenne, hein, les PS1 allemandes se branchaient avec la prise d'antenne. J'ai jamais compris pourquoi, mais... Comme quoi. Ouais. Donc je pense qu'on a fait le tour de... Oui, je pense qu'on a fait le tour, mais... C'est mais sur le coup, si on a fait le tour, qu'est-ce qu'on fait? On arrête? C'est la fin? Je crois que ça fait longtemps qu'on n'a pas fini à l'heure. Voilà. Bah là, en fait, là, on a 5 minutes là. Non, mais attendez, on devient des fonctionnaires du podcast là. C'est pas normal ça. On fait un petit extend, vous voulez? On peut, allez, hein. Si, je sais pas. Un mini, parce que je pense qu'il va falloir que j'aille chercher mon chat dans 4 ans. Un mini extend. Nous voulons crunchy. Voilà, c'est ça. Allez, on peut se faire un mini extent alors. Je vais vous raconter un jeu. Alors attention, layout à jour, mais pas trop haut. Fury nous demande que tu présentes un jeu Engage. Alors un jeu Engage. Je pourrais parler de Tony Hawk sur Engage, mais j'ai pas envie. Ah, mince. Il y a un Sonic sur Engage. Ouais, c'est vrai. Bah, j'avais un Sonic sur mon Samsung. Non, mon Sagem MyX5. Il y a un Resident Evil sur Engage. Non, alors ce sera un tout petit, je vous parlerai d'un jeu. Hein, mais c'est un truc. Je l'ai revu tourner. C'était à la SGDQ, justement. Je me suis souvenu de plein de trucs, du coup. Donc, on est sur. Alors, c'est sur Super NES. J'avais deux manettes sur Super NES. Jusque-là, comme beaucoup de monde. J'avais Street Fighter 2. Comme je pense, voilà, t'avais une Super NES, t'avais Street Fighter 2. Mais on se disait, putain, mais y a pas d'autres jeux auxquels on pourrait jouer à plusieurs, avec mes parents, mes cousins, machin et tout. Et là, on tombe sur un truc, un petit jeu Disney qui s'appelle Goof Troop. Oh. Bah ce jeu qui paye pas de mine comme ça de prime abord, j'y ai passé vachement de temps. Alors à la base, c'était pour jouer à plusieurs, mais en fait j'y ai passé vachement de temps tout seul aussi. Mais oui. Goof Troop, c'est quoi? Alors pour ceux qui savent pas, c'est Dingo et Max. Donc les persos de Disney, hein, donc Dingo et son fils Max. Dingo, c'est le personnage qui est, on va dire, un peu plus lent, mais qui... Quand il jette des objets sur les ennemis, ça fait plus de dégâts. Et Max, c'est celui qui est rapide, mais qui, du coup, fait un peu moins de dégâts. Et c'est un petit jeu de... Capcom, tout à fait. C'est quoi? Voilà, c'est des... qui n'a pas fait que des Mickey nuls ou un Aladdin nul. Alors, attends, je vais... Attends. Beyond this life, c'est ça? Beyond, tu te calmes. Non. Non, je déconne. Donc, et donc, ouais, c'est un jeu de, on va dire, pas exploration, de réflexion, cette petite comme ça. On a nos personnages en vue un peu façon Zelda, et on doit progresser à travers quelques niveaux. Et on doit résoudre, ouais, des énigmes. Donc, on a un grappin, on a des planches de bois qu'on peut poser par-dessus des trous pour pouvoir les traverser. On doit chercher des clés, voilà. Et et ça pouvait jouer à deux. Et c'était, voilà, c'était juste super fun. Et donc, bien sûr, le petit plaisir quand tu joues à deux, c'est que tu pouvais ramasser des tonneaux et bah, les balancer à la gueule de ton pote, quoi. Et ça faisait un vieux bruit, c'est... Et puis... Oui, c'est un jeu coop, mais en fait, mouef, quoi. Ah oui, de toute façon, les jeux coop, quand tu peux toucher ton pote, ça finit toujours très mal. Hein. Et, mais ouais, on pouvait... Ah, parce qu'à l'origine, cette feature-là, c'était qu'on prenait un tonneau, et ensuite, l'autre personnage levait ses bras, et on lui passait le tonneau. Et s'il levait pas les bras, bam, dans sa gueule. Et à partir de là, ça dégénérait. Et donc, mais ouais... Vas-y. Non, vas-y. Non, juste pour savoir, s'il faut que tu dises qui c'est qui l'a fait, ce jeu. Eh ben, j'en sais rien. Bah, tout le monde le connaît. Mais c'est celui qui... C'est le premier jeu de ce monsieur. Ouais, mmh. C'est celui qui a volé... L'Orange. Qui a pas volé l'Orange du Marchand, qui a tout volé Alone in the Dark. Et qui l'a dit des années après. C'est Shinji Mikami. Au design du jeu, c'est un de ses premiers jeux. D'accord. Putain. Il avait volé à qui, du coup, je trouve. Ah ben là, je sais pas. Alors, je vois Fury qui parle du grappin. En fait, c'est pas un grappin au sens où on l'entend. Hein. C'est un espèce de grappin, donc tu peux immobiliser les ennemis avec, et il sert surtout à s'accrocher à des petites chaînes, mais en fait, une fois que tu as accroché ton grappin à la chaîne, il est devenu inutilisable, en fait, parce qu'il faut que tu gardes le câble tendu pour pouvoir traverser un précipice ou autre. Voilà. Et il y avait des énigmes que j'aimais beaucoup dans ce jeu. Donc, il y avait des blocs, on pouvait donner des gros coups de pied dedans, et ça les faisait glisser, et le but, c'était de les poser, bah, il y avait des marques au sol, quoi. Et il y en avait des énigmes que j'aimais beaucoup, parce que tu avais ces blocs-là, et tu en avais, une fois que tu les tapais, il y avait un compte à rebours, et ils explosaient. Et du coup, ça faisait des énigmes qui étaient en plus chronométrées dans le temps, et je trouvais ça génial, quoi. Il y avait les... Voilà, et puis chaque niveau était ponctué par un combat de boss, qui... Ouf, ils sont sympas, pas à se taper le cul par terre, quoi. Il y a le combat avec les deux squelettes que j'ai bien aimé, et puis le combat contre le boss de fin aussi, qui était sympa. Mais ouais, voilà. Je voulais juste parler de Goof Troop pendant 5 petites minutes, là, parce que si vous n'avez pas eu l'occasion de le faire... Le jeu n'est jamais ressorti sur aucun autre support. Non, je pense que tout le monde l'a oublié. Quoi que ce soit. Notez un tout petit truc que je trouve notable quand même, c'est que le jeu est sorti en Amérique du Nord en juillet 93, en Europe en novembre 93 et au Japon en juillet 94. Ah, d'accord. Soit après. Alors pourquoi ? Ah, mais ça, à mon avis, c'est Disney, ça. Oui. Et que c'était bien basé sur le show télévisé du même nom. Donc que ça, voilà, ça c'était donc toujours le principe d'adapter des licences connues en jeu. Et c'est marrant, tu vois, moi, c'est un jeu qui ressort énormément dans le cœur de beaucoup de gamers et tout. Alors qu'à l'époque, les journaux, ils n'avaient pas spécialement été tendres avec le titre. C'est un petit peu passe-partout, machin et tout. Mais ah ouais, les gens l'ont adoré. Bah, je dis pas que le jeu il est exceptionnel ou quoi que ce soit, mais il est sympa, ouais, quoi. Il a marqué. Mais oui, c'est ça. Moi, tu as aimé les musiques. Ouais, mais je les ai encore dans la tête, même les bruitages. Mais tu sais qui... C'est Yuki Iwai qui les a fait. Tu sais ce qu'il a fait comme musique, Yuki Iwai? Non. Megaman X. Ah si, oui, j'allais dire, attends, je dis non là, mais on va se calmer deux secondes. Oui. Mais oui. Et puis UN Squadron aussi, et puis enfin un plein de trucs. Aladdin. Oui. Mais bon, un petit jeu qui au final a réussi à se forger presque presque culte, hein, quand il pense que tout le monde le ressort souvent, quoi, je trouve. Bah, c'est une bonne adaptation. Mais ouais, ouais. Et puis oui, les sprites de Goofy et Max sont vraiment... Et les animations, étaient stylées aussi. Ouais. T'as un jeu qui, pour le coup, est pas un platformer avec une licence Disney. Donc pour c'est coup, ça. Voilà. Il y avait l'originalité en plus, oui. Non, mais t'as bien fait de parler de ce jeu parce que on a tous un bon souvenir. Oui, vous trouvez. Bah, moi, perso, le jeu, je ne l'ai pas eu. C'était ma cousine qui l'avait. Ce qui fait que j'ai beaucoup joué quand j'allais squatter là-bas. Mais ouais, c'était très sympa. C'était soit ça, soit jouer avec le Nintendo Scope 6. Pour le coup, je préférais jouer à Goof Troop. Ah bah non, il n'y a pas photo. Ouais, moi, c'était Scope 6, mais voilà. Bah, j'en avais déjà parlé d'ailleurs. Oui, c'est... Moi, j'y ai très très peu joué à Scope 6. Donc... Bah, moi aussi, vu qu'il fallait 250 piles, mais... non, je déconne. Mais Juste pour préciser, entre parenthèses, donc, cette dame a composé sur Megaman X, pour être précis, la musique de Ice Penguin. Penguin, ouais. Ouais, voilà. Voilà. Mais par contre, son premier boulot, c'est juste Gargoyle's Quest 2 sur NES, quoi. Ah bah, pas mal, c'est ça. Ouais. Et on la retrouvera plus tard sur du X-Men vs Street Fighter, et sur Street Fighter 3.1 et 3.2. Mmh. Donc avant que les musiques deviennent dégueulasses. Et sur Street Fighter Alpha 3 et Pocket Fighter. Ouais. Voilà. Une petite précision quand même pour le podcast, c'est que le jeu, il est très, très abordable. Hein. Écoute. Oh oui, oui. Gouffre-trop. Oui, Gouffre-trop. Ouais. Non mais c'est bien de le dire, parce que c'est le petit jeu qui fait plaisir à avoir. Quoi. Tout à fait. Alors. Cote de Gouffre Troop en direct live sur le écran. Oui. Non, je le vois à une vingtaine d'euros. Ouais, on est sur du moins de 50 euros complet. Voilà. Ouais. Ce qui est relativement correct. Quand tu vois le prix de certains jeux. 30 balles, ouais. Ouais. Bah tant mieux, tu me diras, c'est un bon petit jeu. En loose, franchement, 10-15 euros, pas plus. Ouais. Mais faites-vous plaisir. Ça vaut le coup. Oui. Parce que comme tu disais, Beyond, oui, il n'est jamais ressorti nulle part, lui non plus. Hein. Ni en console virtuelle et tout. C'est sûrement à cause des problèmes de droit, hein. Mais, je pense. Voilà, sans doute. Hein, comme on en parlait, et qui c'est que j'ai entendu en parler ? J'ai entendu KD en parler l'autre jour, du Nier Rally Super Nintendo. Ah bah voilà, lui c'est encore différent là. Ouais, ouais, c'est voilà. Différent. Parce que mais dans le signe des jeux oubliés qui étaient sympas. Ah, et Rally est totalement oublié. Ouais. Parce que c'est Pixar hein, qui a fait interdire le jeu, hein, carrément. Ah, Uni Rally, oui. Ouais. On l'a celui-là d'ailleurs. J'aurais pu en parler d'ailleurs. Ouais. Mais là l'histoire était pas traitée en 5 minutes sur ce jeu. Ouais, parce que le lore d'Uni Rally, il faut le temps. Ouais. Déjà que j'ai dû faire le lore de Tony Hawk le jour en commentaire, c'est bon. Non, je parle pas du lore du jeu lui-même, mais du lore de fabrication et la vente du jeu. C'est un jeu de monocycle Unirally, mais vous jouez le monocycle, pas... Oh, c'est génial. Vous êtes un monocycle. Ah oui, mais voilà. C'est génial, vraiment. Oui, il est bien. Bref. Je pense qu'on digresse, voilà. Oui, et donc là, ben, sur le coup, merci beaucoup, Moa, pour cette présentation de jeu. Alors voilà, c'est à l'arrache, hein, mais... Oui, merci, monsieur Moa. Merci, monsieur Moa. Mais c'était pour qu'on ne nous traite pas de fonctionnaire, après, voilà. Déjà que je le suis dans la vraie vie, alors si en plus je le suis dans le podcast... Hein, podcast du fonctionnaire. Et donc, sur le coup, on va se retrouver un jour... Bon, ouais, on va arrêter de faire des promesses maintenant, hein, je pense. Bah, voilà, mais c'est, la prochaine c'est, fois. C'est les vacances. Donc, on va se retrouver la prochaine fois, voilà, c'est plus positif. On va se retrouver, ça c'est sûr. En fait, il faut aussi expliquer aux gens. Bon, il y a une semaine, il y avait la GDQ, c'était plus ou moins convenu de ne pas faire podcast. Mais j'ai pris des vacances éclairs où j'ai dû boucler mes affaires en moins de 12 heures et préparer mon truc. C'est entièrement ma faute, il n'y a pas eu podcast pendant autant de temps. Ah, voilà. Moi j'ai déménagé, j'étais dans la merde, j'étais dans l'absence totale de stream pendant 2 ou 3 semaines aussi. Donc, Ah, c'est chouette. C'est pas grave, de toute façon on va reprendre un rythme. Bon, c'est pas le cas encore, mais. Un rythme. Voilà. Un rythme. Voilà. Bah, d'ici là, en tout cas, les gens, hydratez-vous bien. Oui. Oui. Voilà. Bonnes vacances pour ceux qui sont en vacances et. Restez cool. Nous autres, voilà. Des bisous à ceux du chat qui nous ont supportés pendant ces 2 heures. Merci de nous avoir écoutés. Ouais. J'espère vous avoir diverti. Et aux gens de YouTube qui nous écouteront plus tard. C'est toujours pas la bonne, bien. Ah ouais, alors pas bleu, appuyez sur la clochette pour recevoir la notification. C'était la cloche derrière. Ouais. Des bisous tout le monde. Allez, à plus tout le monde. Et puis merci d'être passé. Bonne nuit.